Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémozo, anciennement Radio Trait d'Union, il y a longtemps, hein, il y a 40 ans. Et l'émission, donc, calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme ce soir, eh bien, de la musique, bien sûr, hein, le calendrier, et puis Adrien Quatennens nous parlera de Jean-Luc Mélenchon, candidat urgence sociale. Émeric Caron, l'écologie aujourd'hui. Ensuite, Mélenchon seul contre les violences policières. Le Média, arrêter la comédie primaire populaire. La comédie primaire populaire. On a vu ce que ça a donné. Et puis les conséquences, c'est pas fini. Hein? Ben oui, quand on est à ras du gazon, eh ben oui, on marche dans la première bouse venue. Hein? C'est comme ça, c'est la vie, hein, ah oui, et on accumule les faiblesses de manière à être sûr d'être battu et maltraité pendant des années, nous, nos enfants et nos petits-enfants. Ah oui, le vote de cette fois-ci, il va être très, très grave, très, très grave. Les conséquences seront vraiment catastrophiques si les gens votent mal. Clément Viktorovitch, passe vaccinal, les absents ont tort. Ensuite, complément d'enquête EDF sous tension. Et puis, ben, une petite revue de presse pour finir, par exemple. Hein? Voilà, bonsoir. On est balèze en France. Hein. On est... Il y a des trucs qu'on est vachement balèze. Hein. Pas tout, mais il y a des trucs qu'on est vachement... Il y a des trucs... Oh, si. En politique, on est vachement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française, hein. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Hein. Regardez, Giscard d'Estaing a promis un changement douceur. Vous avez senti quelque chose, vous? Impeccable, ça s'est passé. On en a des bons. Il y a comment il s'appelle

Suite à la diminution générale des prix de la soie, le syndic des mutualistes appelle à la grève. 750 métiers s'arrêtent. Une deuxième révolte des cailloux s'annonce. 1892, France. Constitution de la Fédération nationale des bourses du travail au congrès de Saint-Étienne. Une motion adoptée par les délégués de 14 bourses affirme, deux points ouvrant les guillemets, toutes les forces ouvrières ne forment qu'un seul bloc, aimanté par la solidarité. Les travailleurs doivent repousser de façon absolue l'influence des pouvoirs administratifs et gouvernementaux. Les bourses doivent être absolument indépendantes pour rendre les services qu'on attend. Cependant, la notion de service sera vite dépassée par celle de révolution. C'était en France en 1892. 1903, Allemagne. La Diète de l'Empire discute de la protection des travailleurs, du droit de coalition et du raccourcissement du temps de travail. Les sociaux-démocrates demandent qu'une durée maximale du travail soit fixée pour la journée, ce qui est refusé partout. 1905, Allemagne encore, fin de la grève des mineurs de la Ruhr. 1922, Afrique du Sud. Des milliers de travailleurs de Johannesburg sont en grève. Ils réclament une république sud-africaine. Le gouvernement organisera contre eux une véritable guerre civile qui durera jusque fin mars. 1923, Chine. Une grève générale des cheminots du réseau ferré Pékin-Hankou vise à obtenir la reconnaissance du syndicat. Elle est brisée par le seigneur de guerre Wu Peifu, dont les troupes font 35 morts et des centaines de blessés. 1925, Tunisie. Manifestation devant la résidence générale de France à Tunis contre les arrestations de syndicalistes, nouvelles arrestations et procès. La CGTT est décapitée. 1934, France. Le président du conseil, Daladier, cède devant l'émeute. Le gouvernement démissionne. Pour défendre la République, la CGT lance un mot d'ordre de grève générale de 24 heures pour le lundi 12. Une grève politique. 28 ans après la charte d'Amiens. 1936, Allemagne. À Berlin, début du procès contre le pasteur Niemöller, fondateur de l'Église confessante opposée au nazisme. Il est condamné à 7 mois de prison qu'il a déjà fait. Mais il n'est pas pour autant libéré. Il est déporté en camp de concentration. Et rappelons que les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne parce que Hitler a été élu en 1933 parce que il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne. Or, en France actuellement, il y a 6 millions de chômeurs. 1965, Vietnam. Début des bombardements américains sur le Vietnam du Nord. 1971, Suisse. Lors d'une votation populaire, le droit de vote pour les femmes est adopté par les deux tiers des suffrages. 1976, Philippines. Charte de Manille. Du groupe des 77. Élaboration d'un programme d'action destiné à inspirer les délégués à la 4e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon cette charte, les pays du tiers-monde doivent compter avant tout sur eux-mêmes. Les pays industrialisés doivent les aider par la création d'un nouvel ordre économique international. 1983, Israël. Rapport final de la commission d'enquête sur les massacres de Sabra et Shatila à Beyrouth. De hautes personnalités israéliennes et le premier ministre Begin sont mis en cause. 1984, USA. Ce mardi à 14h30, l'astronaute américain Bruce McCandless devient le premier satellite humain de l'histoire. Il sort de la navette spatiale Challenger avec son sac à dos à réaction et fait 3 fois le tour de la Terre en 5 heures. Pendant ce temps, sur Terre, 8 000 enfants sont morts de faim. Pendant ce temps, sur Terre, 8 000 enfants sont morts de faim. Une seconde. Oui, vas-y. Comme ça, ils en auront du Jésus. Là, attention, c'est parti. Hein? Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie du nombre des désespérados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanchette rebelle, statue de la douce, immaculée conception, je sentis la foi naître, et au fond de mon être, du Seigneur Jésus-Christ, j'ai la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante, et de joie je suis éperdue. Quatennens, bonjour. Bonjour. Vous êtes député dans la première circonscription du Nord, vous êtes coordinateur de la France Insoumise. Première question, Adrien Quatennens, est-ce que tout le monde déteste la police ? Non, bien sûr que non. Pour autant, il faut pouvoir dire les choses, c'est que nous avons un problème avec la police telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que personne ne déteste la police, par contre il y a des gens qui ont des raisons de détester cette police. Celle où on voit que, eh bien, il y a des débordements, qu'il y a du racisme, qui ne concerne pas bien sûr tous les policiers. Certaines violences aussi, on l'a vu, y compris récemment, lors du mouvement des Gilets jaunes. Donc il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et d'ailleurs, ce qui est en cause. Vous êtes pas mal à l'aise avec le slogan, en fait, si je vous pose la question, c'est parce que vous étiez hier avec Jean-Luc Mélenchon dans les cortèges des mobilisations. C'était une mobilisation sur le pouvoir d'achat et sur la hausse des salaires. Et l'un des slogans, c'était tout le monde déteste la police. Oui, il y avait des jeunes qui, en effet, disaient ça. Et vous avez vu d'ailleurs qu'on reprend pas à notre compte ce slogan. Pas tout à fait, mais enfin, quand même, quand Jean-Luc Mélenchon était interrogé là-dessus, il répond, oui, il y a beaucoup de monde qui déteste la police. Et d'ailleurs, il est temps de s'en rendre compte. Bien sûr, et c'est un problème. Et c'est un problème. Nous croyons, nous, à la police républicaine. Et d'ailleurs, j'allais vous dire, ce ne sont pas les policiers eux-mêmes qui sont en cause, ce sont d'abord les donneurs d'ordre, la hiérarchie et la doctrine qui est employée. Alors plutôt que de s'arrêter sur des slogans que par ailleurs, je précise, les insoumis ne reprennent pas à leur compte, regardez plutôt, et j'invite celles et ceux qui nous regardent, à aller observer de plus près le programme que nous avons sur la police. Nous voulons recruter davantage de fonctionnaires de police parce qu'il manque de moyens humains dans la police. Je rappelle à Pauline de Malherbe que depuis le début de l'année qui vient de commencer, c'est une dizaine de policiers qui se sont suicidés, donc il y a une souffrance aussi dans ce métier. Très précisément, mon invité sur RMC, Linda Kebab, nous disait qu'un dixième, malheureusement, c'était de la mort hier. Et nous voulons réinstaurer, réorganiser une police de proximité qui a été avortée. C'est nécessaire pour pacifier les relations entre la police et la population. Et revoir aussi les doctrines de maintien de l'ordre, parce qu'Apolline de Malherbe, je suis sûr que comme moi, vous ne supportez pas de voir la France montrée du doigt à l'international par les plus grandes organisations non gouvernementales sur la gestion du maintien de l'ordre. Vous savez, il y a des endroits, je pense par exemple à nos voisins allemands qui sont souvent pris en exemple, où les doctrines de maintien de l'ordre ne sont pas les mêmes, où on emploie plutôt la désescalade dans les manifestations, où on n'est pas nécessairement armé. Les manifestations ne sont pas tout à fait les mêmes pour l'instant. On n'est pas nécessairement armé comme le sont les policiers. D'ailleurs, dans les manifestations, regardez, quand il n'y a pas ces déploiements... C'est toujours la faute des policiers. policiers et pas des manifestants. Écoutez ce que je vous dis, c'est d'abord la faute, y compris des donneurs d'ordre. Par exemple, quand monsieur le préfet, l'allemand, déploie des forces considérables pour des manifestations, c'est pas la même chose que quand les choses sont plutôt calmes, quand il y a moins de monde et de policiers. Mais, d'ailleurs, ça se passe en général. Mais j'insiste quand même sur les mots que vous avez utilisés quand je vous ai interrogé sur est-ce que tout le monde déteste la police. Vous m'avez quand même assez vite répondu, bah, cette police-là, où il y a des débordements, du racisme, de la violence, nous, on est pour une police républicaine. Est-ce que ça veut dire que, Adrien Quatennens, vous considérez qu'aujourd'hui, la police dans ce pays n'est pas une police républicaine? Pas la police, mais il y a des éléments dans la police qui, en effet, ne correspondent pas à l'idée qu'on peut se faire, qu'on est en droit de se faire de la police républicaine. Il faut rappeler une chose, la police, elle est au service de la population. Et elle obéit à des ordres et à des donneurs d'ordre. Donc, c'est un changement de doctrine auquel il faut procéder. Par exemple, en effet, sur le maintien de l'ordre, en recrutant également plus de policiers de la police judiciaire. Pardon. Par exemple, là, vous voyez, pour l'Île-de-France, il y a 1500 recrutements qui ne trouvent pas de candidats. Eh bien, par exemple, c'est améliorer à Pauline de Malherbe, améliorer les conditions de travail, faire en sorte qu'on rémunère mieux, faire en sorte qu'on forme mieux. Vous savez que les formations des policiers ont aussi été revues à la baisse et que maintenant, c'est beaucoup plus expéditif. Bref, regardez en détail ce programme. C'est un programme qui permettrait de réhabiliter, justement, la police républicaine. Et ensuite, pour qu'il y ait une forme d'exemplarité qui est nécessaire, on a aussi un problème avec le contrôle des policiers. Quand vous avez une instance, l'IGPN, où des policiers décident entre policiers du sort de policiers, ben on a en quelque sorte un problème. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui y ont recours voient bien qu'ensuite les deux et qu'il n'y a pas de suite. Donc, on a cette nécessité de dire oui, la police républicaine est absolument nécessaire. Il faut changer de doctrine, recruter, mieux former, faire en sorte que quand des femmes se retrouvent dans des commissariats, elles soient correctement accueillies. Pour ça, il faut des moyens. C'est finalement, à travers le sujet de la police, c'est le sujet de nos services publics dans leur globalité. On va y revenir longuement et je voudrais qu'on puisse parler du pouvoir d'achat, de la question des salaires. C'est aussi pour ça que vous manifestiez hier. Bah oui. Mais quand même, Adrien Quatennens, quand on interroge Jean-Luc Mélenchon sur ce slogan, sur est-ce que tout le monde déteste la police, est-ce qu'il n'aurait pas fallu tout simplement qui disent non, c'est pas le cas. Mais écoutez, Pauline de Malherbe, si des gens le disent, qu'ils détestent la police, 72% pas. Des Français disent avoir une bonne opinion de la police. Mais très bien, et tant mieux. Parce que vous êtes peu décalé. Mais le rôle de celles et ceux qui prétendent avoir des responsabilités, c'est aussi de traiter les problèmes. Prenons les choses à l'inverse, Pauline de Malherbe. Vous niez qu'il y ait des problèmes dans la police? Non. D'ailleurs, comme dans tout collectif humain, il y a des éléments qui posent tristement, problème. Tristement, l'être humain, effectivement, n'est pas parfait. Non, mais justement, là où nous avons un vrai problème, c'est que quand les relations entre la police et la population sont à ce point dégradées dans certains quartiers, c'est qu'il y a en effet des choses à faire dans la doctrine, dans la manière dont on s'y prend. Et encore une fois, je crois que les propositions de la France insoumise en matière de sécurité, c'est mon collègue député du Nord, Hugo Bernalicis, qui s'occupe notamment de ça. Il a dit qu'il voulait la police regardée. La plus désarmée possible. Voilà. Et c'est important, votre précision, parce que parfois j'ai entendu, Mélenchon veut désarmer la police. Non, la plus désarmée possible. Ça veut dire que selon les situations, en effet, eh bien, on adapte le niveau d'équipement. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a vu être employé, qui ont procédé d'ailleurs à, je crois, plus d'une trentaine d'éborgnés pendant les manifestations des Gilets jaunes. On n'a pas besoin d'être à ce point armé en manifestation. Et d'autres techniques, y compris ailleurs. Regardons ce que font nos voisins. Regardez par exemple dans certains États des États-Unis où la criminalité était à son maximum. On a employé des techniques de désescalade qui ont des résultats extrêmement probants. Et ensuite, vous prenez exemple aux États-Unis maintenant? Eh ben, ça nous arrive. Ça nous arrive. Comme quoi, voyez, on n'est pas à la caricature que vous faites parfois de nous. Ah, ça moi, nous j'ai arrive. Fait aucune caricature. Et ensuite, au-delà de ça, parce que bon, le programme, c'est en effet plus de recrutement, une police de proximité, un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre, recruter de la police judiciaire pour les enquêtes, parce qu'il en manque, vous le savez, et d'ailleurs les syndicats de police le disent. Bon, il y a quand même un problème qui est la hausse de l'insécurité. Et ensuite, on a une difficulté aussi, c'est la politique du chiffre qui est inefficace. Par exemple, en matière de trafic de drogue, savez-vous, Apolline de Malherbe, que plus de 80% du temps de déploiement de policiers sur le terrain est affecté au contrôle sur le trafic de drogue, spécialement d'ailleurs le cannabis, sans résultat que ça marche pas, sur le démantèlement du trafic. Vous feriez quoi alors? Bah écoutez, aujourd'hui, nous sommes le pays qui a la politique la plus répressive et qui a sans doute le moins de résultats. Donc quand nous parlons avec Jean-Luc Mélenchon de légaliser le cannabis, c'est pas parce qu'on veut faire l'apologie de la fumette, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en quelque sorte, on met des œillères sur un trafic qu'on ne parvient donc pas à démanteler. Donc vous renoncez quoi? Au contraire. Donc finalement vous renoncez, vous dites voilà, comme c'est difficile, c'est là que vous vous trompez. Justement, ceux qui renoncent, c'est ceux qui sont en train de mener cette politique. politique. C'est Monsieur Darmanin qui est satisfait de voir des chiffres gonflés de contrôle, mais quand on démantèle un trafic, il se repositionne ailleurs. Et d'abord, pourquoi ? Le trafic de drogue, il pourrit la vie d'abord des femmes et des hommes qui vivent dans ces quartiers populaires, qui ont peur pour leur môme. Donc légaliser le cannabis, c'est d'abord un, pour tarir le trafic, et deux, pour mener de véritables politiques de santé publique. Mais vous disiez que Gérald Darmanin, il devait se satisfaire de ces chiffres. Pour autant, il y a des chiffres dont il ne doit pas du tout se satisfaire ce matin, c'est les chiffres de l'insécurité. Ils sont en hausse, hausse des homicides, hausse des coups et blessures, hausse des violences sexuelles. Les violences sexuelles qui ont augmenté de 33% en 2021. Harcèlement, agression sexuelle, viol, tout cela c'est en hausse. Alors Gérald Darmanin, il dit que c'est notamment dû au fait qu'il y a davantage de plaintes qui sont prises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Non, mais il y a une chose qui est surtout évidente en matière de violences sexistes et sexuelles, c'est que ça devait être la grande cause du quinquennat, et ça peut pas être la grande cause du quinquennat si on n'y met pas les moyens en face. Vous savez qu'avec les associations, nous réclamons depuis longtemps qu'on consacre 1 milliard d'euros à cette question, que ce soit dans la formation des femmes et des hommes qui accueillent les plaintes, que ce soit sur la prévention, il y a besoin de ce 1 milliard d'euros. Les pays qui l'ont fait, regardez par exemple l'Espagne, qui ont mobilisé des moyens, obtiennent des résultats. On peut pas dire c'est la grande cause du quinquennat simplement en faisant des effets de manche sur les plateaux de télévision. Il faut y mettre des moyens et on a besoin de ce 1 milliard. Donc pour vous, ce serait réclamé 1 milliard. Par les associations. Oui, tout à fait. Est-ce que vous considérez que la sécurité est une priorité dans cette campagne ? Bah, de fait, on voit bien que dans le débat public, ça l'est. Mais moi, je vais vous dire une chose, appelée numérable, c'est qu'il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Vous avez dit qu'après, on allait parler des conditions sociales, de l'emploi, des salaires. Ça n'excuse rien. Parce que parfois, pour vous, les deux sont liés. Parfois, j'entends parler, vous savez, de la culture de l'excuse. Dès qu'on essaye d'expliquer les causes profondes de certains maux de la société, on dit, vous cherchez à excuser. Pardon, mais chercher à comprendre, ça n'est pas chercher à excuser. Et en effet, plus il y a de la misère, plus la pauvreté s'étend, plus les tensions dans le pays se font jour, plus on voit en effet qu'il y a des problèmes de sécurité. D'ailleurs, souvent, vous pouvez superposer la carte des endroits où il y a le plus de problèmes d'insécurité et là où le chômage est le plus élevé, où la misère sociale se développe. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, pour nous, la question prioritaire, c'est en effet la question sociale. Parlons-en de la question sociale, de la question du pouvoir d'achat. D'abord, quand même, deux bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. Chômage en baisse, croissance en hausse. Les chiffres de la croissance ont été publiés ce matin. Plus 7% pour 2021. C'est la plus belle croissance depuis 52 ans que c'était pas vu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que vous considérez qu'une bonne croissance, c'est une bonne nouvelle ? Alors, bon, d'abord, la croissance, nécessairement, et tout le monde le comprend, quand vous fermez le robinet, comme on a pu le faire avec la période d'épidémie, nécessairement, quand vous rouvrez, il y a un taux de croissance qui est important. Ça fait quand même 52 ans que ça n'avait pas été le cas, là. Est-ce que vous voulez bien admettre que quand on a eu les niveaux qu'on a eu de baisse, forcément, quand ça réouvre, clairement, l'année dernière, il y a eu une chute de 8%. Hein. Ensuite, Apolline de Malherbe, la croissance pour la croissance mérite d'être interrogée. Vous savez que vous, demain, si vous allez creuser un trou quelque part, que vous le rebouchez, ça n'a absolument aucune utilité sociale, mais par contre, ça crée de la croissance. Un accident Je vois pas très bien comment ça crée de la croissance, Ça crée du PIB, en fait, tout simplement. Un accident. Si moi, je prends une. Mais bien sûr, toute activité, même complètement inutile, peut créer de la croissance. Celle-là est vraiment très, très inutile. Par exemple, vous savez qu'on apprend ça, en cours d'économie de première année. Un accident sur le périph, ça crée de la croissance. Bon, est-ce qu'on en a besoin pour autant? Est-ce qu'on le souhaite? Donc, la croissance pour la croissance, c'est pas le sujet. Vous me parlez, en revanche, d'emploi. Et ça m'intéresse beaucoup parce que vous savez, l'emploi est un droit dans notre constitution. Et le gouvernement ne cesse de dire, c'est magnifique, le chômage est au plus bas. Alors, regardons de plus près. En nombre d'inscrits à Pôle emploi, c'est toujours un chômage de masse considérable. C'est 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Le gouvernement peut dire que le chômage baisse en vertu d'un développement de la précarité de l'emploi. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. C'est ces effets statistiques. C'est des mauvais jobs, c'est des petits jobs, c'est des mini-jobs. Près de 90% des contrats qui sont signés, près de 90% des contrats qui sont signés sont des contrats courts, des contrats parfois de moins d'un mois. Mais on ne peut pas quand même se réjouir qu'il y ait des contrats signés ? Mais écoutez, réjouissez-vous si vous voulez. J'ai un petit peu du mal à comprendre cette idée. Non, mais réjouissez-vous. Finalement, au fond, vous laissez presque entendre qu'il vaut mieux pas avoir de boulot qu'un petit boulot. Qui dit ça ? Simplement, moi, je vais vous proposer après des solutions pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi pérenne. C'est pas la même chose. Parce que derrière les chiffres statistiques, il y a une réalité sociale. C'est que vous avez un contrat de quelques jours, par exemple, puis vous retournez au chômage. Et ensuite, les statistiques sortent et vous avez en fait disparu des statistiques. Donc, Madame Borne vient en face d'Apolline de Malherbe dire « c'est magnifique, le chômage... » Elle viendra justement la semaine prochaine. Ben voilà, et elle dira « le chômage baisse », mais en vertu d'une précarité de l'emploi qui n'est pas acceptable. D'ailleurs, sur la précarité de l'emploi, une proposition. Allez-y. Si on veut refaire du CDI la règle, du contrat à durée indéterminée, et refaire que le CDD soit de l'ordre de l'exceptionnel, comme le prévoit le Code du travail, nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon d'instaurer des quotas de recours aux contrats courts modulable selon la taille de l'entreprise. Par exemple, 10% maximum de contrats courts dans les PME, 5% dans les grandes entreprises, pour faire du CDI de nouveau la règle et éviter qu'on ait ces situations insupportables où vous avez des fois des contrats d'un jour, où vous arrivez le matin au travail sans savoir si vous aurez votre poste le lendemain. Ça n'est pas la société que nous voulons, y compris pour simplement afficher des chiffres du chômage en trompe-l'œil. Maintenant, sur la situation de l'emploi en France, je l'ai dit, on manque d'emplois pérennes. Alors, pour en créer véritablement, je vois essentiellement trois leviers. Allez-y. Le premier, c'est la diminution du temps de travail. Parce que la productivité a beaucoup augmenté. On l'a déjà tenté, quoi. On nous a fait le coup, ça n'a pas tellement bien fonctionné. Mais Apolline de Malherbe, pardon, mais dites-moi, en France, la dernière fois qu'on a créé autant d'emplois nets, c'était quand? Vous le savez, vous? J'imagine que c'était quand même au moment des 35 heures. Ah bah, merci de le reconnaître, en effet. C'est-à-dire que si la productivité a augmenté... Mais c'est un fusil à un coup, après ça s'installe. Non, mais c'est important. C'est la mère des batailles que la diminution du temps de travail aujourd'hui dans la ne durée. Défend vraiment l'idée que les 35 heures se soient bien passées. Bah si. Mais vous, ça se passerait bien. D'ailleurs, moi, je vous le dis, mais il y a plein d'entreprises qui le font, il y a des États qui le font. Nous, ce que l'on souhaite, c'est appliquer véritablement les 35 heures, parce qu'aujourd'hui, la durée moyenne en France, c'est plus proche de 39 heures que après, des 35 heures. Après, la question, heures. Vous le dites, il y a certaines entreprises. Aller vers les 32 heures. Certaines entreprises, oui, de manière systématique, vous l'avez vu, ça a entraîné quand même certaines désorganisations. Mais Apolline de Malherbe, disons une chose, diminuer le temps de travail ou augmenter les salaires, on va en parler après parce que vous allez parler de pouvoir d'achat, c'est deux manières de faire une seule et même chose, partager la richesse produite. Très bien. Donc, il faut aller vers l'application réelle des 35 heures, aller vers les 32 heures. Nous proposons aussi, vous allez dire que je fais une liste au Père Noël, mais non, d'ailleurs, c'est plus la saison, une sixième semaine de congé payé. J'aime bien parce que c'est vous-même qui, en le disant, vous vous dites, peut-être j'ai l'air un tout petit peu trop généreux. Non, parce que je vous connais, mais Apolline de Malherbe, regardez, quand les ouvriers, les salariés de ce pays... on fait la conquête des congés payés. Vous en souvenez, au début, c'était deux semaines seulement. Vous vous rappelez? Oui. Et puis ensuite. Enfin, j'y étais pas, mais vous avez lu les livres d'histoire, voilà. Et puis, à mesure que la productivité a augmenté, on a revendiqué davantage. On en est à cinq semaines. Mais depuis combien de temps on n'a pas eu une semaine de congés supplémentaires? Et pourtant, depuis, attendez, c'est important, suivez mon raisonnement. Et depuis, la productivité a beaucoup augmenté. Donc, si la productivité a beaucoup augmenté depuis, mais que vous n'avez pas obtenu ni d'augmentation de salaire, ni de diminution du temps de travail, la question qui se pose, c'est où va le surplus de productivité que donc, nous avons gagné? On passe aux 32 heures. Eh bien, je vous le dis, on a une semaine de Malherbe, plus. Dans les années 80, un Français travaillait en moyenne 9 jours et par an. Et vous allez me dire qu'en plus, il faut payer plus. Apolline de Malherbe, écoutez-moi. Écoutez bien ça. J'écoute. Dans les années 80, un Français travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires. Savez-vous combien de jours par an c'est aujourd'hui? C'est plus d'une cinquantaine. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que dire qu'il faut diminuer le temps de travail, dire qu'il faut partager la richesse produite par le travail, ça n'est pas un gros mot. C'est une nécessité absolue aujourd'hui. Donc nous proposons en effet la diminution du temps de travail. Vous savez que l'arrêt central du programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est la bifurcation écologique de notre économie. Ça va créer beaucoup d'activités et d'emplois. Un programme comme le nôtre, vous vous dites pas le travail va manquer. Vous dites plutôt où vont être les femmes et les hommes qu'il va falloir former. Pourquoi nous comptons d'ailleurs beaucoup sur les études des jeunes? Parce qu'il va y avoir beaucoup de métiers pour faire l'économie de la mer, la transition énergétique, tout ce que nous avons à faire. Et enfin, dernière mesure sur l'emploi qui me paraît moi très importante dans le programme Jean-Luc Mélenchon, c'est la garantie d'emploi. En dernier ressort, nous voulons que tout chômeur volontaire puisse se voir proposer, s'il n'y parvient pas dans le marché, un emploi qui corresponde à ses qualifications sur le bassin d'emploi dans lequel il se trouve et à des tâches, entendez-moi, que le marché n'accomplit pas. Ça suffit, le monopole du marché pour décider de ce que nous avons à faire. Je crois qu'il y a des tâches dans les métiers du lien, les métiers du soin, ceux-là même qu'a mis en avant mon camarade François Ruffin dans son film excellent « Debout les femmes ». Dans les métiers liés à la transition écologique, il y a des métiers que le marché n'emploie pas. Et donc, nous avons besoin de réaliser ces tâches. Vous savez, c'est la vieille logique keynésienne, c'est pas très révolutionnaire, c'est de dire, il y a d'un côté des femmes et des hommes disponibles pour accomplir des tâches et qui souhaitent travailler, de l'autre côté des tâches nécessaires que le marché n'accomplit pas, faisons se et rassembler vous allez réconcilier les deux. Voilà, tout simplement. Et ça, Adrien Quatennens, c'est en mesure de ramener le plein emploi dans notre pays et c'est autre chose que la chasse aux chômeurs que fait Emmanuel Macron avec la réforme de l'assurance chômage qui va accroître la précarité ou les effets statistiques avec des contrats courts qui permettent la semaine prochaine à Madame Borne de venir vous dire que le chômage baisse alors que la réalité sociale n'est pas modifiée. Je lui dirais, la baguette à 29 centimes, c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Écoutez, je crois que plus globalement que la baguette à 29 centimes proposée par une grande enseigne de grande distribution, on voit bien la situation que nous avons sous les yeux. Et là aussi, elle est trop souvent niée. On a toutes sortes de lois. Mais je vais vous répondre. Vous avez bien compris le sens de ma question. Il y a une difficulté, c'est que d'un côté, on veut en effet pouvoir aider les plus modestes, et de ce point de vue-là, personne ne peut dire, oui, une baguette à 29 centimes, si ça permet de nourrir une famille pour moins d'argent, évidemment, tant mieux. Et de l'autre, vous avez ceux qui crient au scandale en disant, ça va tuer toute notre filière. Mais c'est la dictature. C'est vraiment comment est-ce qu'on réconcilie ces deux France ? C'est la dictature du moins cher qui pose un vrai problème à Pauline de Malherbe, parce que comme consommateur, vous recherchez du moins cher parce que vos revenus sont faibles. Mais du coup, si vous êtes aussi producteur, travailleur par ailleurs, ce sont des injonctions qu'on vous fait pour produire moins cher, donc dans des conditions sociales moins favorables, dans des conditions écologiques moins favorables. Donc face à la situation qu'on a sous les yeux, d'abord, moi je veux le dire parce que c'est trop souvent balayé, la France est en situation d'urgence sociale. Alors on parle de l'urgence sanitaire, on a des lois d'état d'urgence de toutes sortes, mais il y a un état d'urgence sociale dans notre pays. La France qu'on a sous les yeux, celle d'Emmanuel Macron, Pauline de Malherbe, c'est une France dans laquelle on est passé de 8 à 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, où 12 millions de personnes subissent la précarité énergétique, et où dans le même temps, vous le savez, dans la période de pandémie, les 19 mois de pandémie, les milliardaires de ce pays ont accru leur patrimoine plus qu'en 10 ans. C'est ce que nous dit l'ONG Oxfam. Pendant les 19 mois de pandémie, c'est 236 milliards qui ont été accumulés par les milliardaires de ce pays. 236 milliards à Pauline de Malherbe, ça permettrait de donner un chèque de 3500 euros à chaque Français ou de quadrupler le budget de l'hôpital public qui nous a manqué. Donc quand on parle de partage des richesses, ça n'est pas un gros mot. Vous avez en France 5 personnes, 5 milliardaires qui possèdent autant que 40% de la population la plus pauvre. Donc organiser le partage des richesses, ça passe par l'augmentation des salaires, pour revaloriser véritablement le travail. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon propose le SMIC à 1400 euros net. Songez d'ailleurs au fait qu'avec un meilleur salaire, en ce moment, ceux qui augmentent le SMIC, c'est les Allemands. C'est quand même assez ironique. Mais vous savez, parfois, nous, on n'a pas de dogme. Hein. S'ils font des choses intéressantes, on peut les regarder. Les États-Unis, l'Allemagne, vous regardez de tous les côtés. En tout cas, augmenter les salaires, c'est une nécessité. Faire en sorte qu'en France, personne ne vive sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire aller à la revalorisation des minima sociaux manger, jusqu'à ce niveau. Est-ce qu'ils doivent bien manger, Adrien Quatennens, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage? Pour moi, c'est ça la France, ça c'est ce que dit Fabien Roussel. D'abord, et pour vous? D'abord, ce qu'il y a de sûr, c'est que tous les jours, les Français ont des injonctions à vous manger telle ou telle chose. Question. Si, je vais y répondre, mais je suis plus intéressé par le pouvoir d'achat que mais c'est par, la même question, non? Que, pas exactement. Là, vous me posez la question de la bonne viande, le bon fromage. Je suis en train de vous parler de comment on soulage des gens qui souffrent, qui ont peur d'ouvrir leur boîte aux lettres. Ce que Fabien Roussel dit, c'est que Fabien Roussel dit, on va en parler. Mais alors, je voulais terminer de faire les propositions. 8h52, augmentation des salaires, augmentation des minima sociaux, et nous avons proposé le blocage des prix des produits de première nécessité. Quand on dit aux Français manger 5 fruits et légumes par jour et qu'on se pose pas la question de savoir comment ils peuvent y avoir accès, ça pose un vrai problème. Nous voulons aussi instaurer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Vous voyez, c'est un exemple. C'est-à-dire l'eau qui est indispensable à la vie pour boire, pour se laver. Elle doit être gratuite pour tous, et par une tarification progressive, on peut la financer. Vous voyez, je vous renverrai toujours à la question du programme à Pauline de Malherbe, parce que le programme d'ailleurs, il est sonnant et trébuchant. Vous avez choisi de passer plus de 10 minutes à parler de la police, c'est tout à fait passionnant, mais je pense qu'on avait encore d'autres sujets à évoquer. Vous m'avez vous-même dit que, en réalité, c'était une priorité pour la France. C'en est une, mais je pense qu'on parle beaucoup de tout ça, alors que la question prioritaire, c'est la question sociale et ce que nous allons faire. Vous reviendrez parler du vin, de la viande et du fromage, Adrien Quatennens, député de la première circonscription du Nord, coordinateur de la France insoumise. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin si Tom dort point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre dentelier, un ami clotant, un petit garçon, qui depuis trois quarts d'heure ne fâche au quai de brère, tâche de l'endormir par un canchon. Allez, dis-je, ma Narcisse de Matara, du pain épice du Chicago-go, si que t'es sache et que te fais dodo. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. Tom fera du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Et si te me lèche faire une bonne semaine, j'irai dégager t'un bio sarro, t'un pantalon de drap, t'un gilet de laine, comme un petit milord te sera pharo.

C'est donc aujourd'hui, moi qui me suis engagé depuis des années d'une certaine manière à travers mes livres, par exemple, à travers mes interventions médiatiques, pour l'écologie, pour une écologie qui est la mienne, si tout à coup il y a une incarnation politique concrète qui peut accéder au pouvoir aujourd'hui, je pense que, un, il faut la saisir et deux, il faut la soutenir. Alors d'abord, pour refaire un peu l'historique, j'ai fondé moi un parti politique qui s'appelle Révolution écologique pour le vivant, il y a 4 ans, qui est une contre-proposition à Europe Écologie Les Verts, que je trouve de que je suis depuis une vingtaine d'années, car je suis un écologiste né quasiment. J'ai toujours baigné dans l'écologie. J'avais ma carte chez les Verts à l'âge de 16 ans. Donc j'ai toujours suivi de très très près ce qui se passait sur le plan de l'actualité de l'écologie en France. Sauf que j'étais pas satisfait du tout en tant que citoyen par les Verts, par Europe Écologie Les Verts, comme quelqu'un d'engagé non plus, ça ne me satisfaisait pas. Je trouvais que c'est un mouvement qui manquait de radicalité. On pourra en reparler, qui hésitait, qui avait été compromis, me semble-t-il, avec les socialistes, en menant des politiques qui étaient déconnectées de ce qu'on attendait d'eux. Bref, je fonde donc la Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti écologique, d'écologie radicale et antispéciste. Et puis ce parti fait sa vie depuis 3-4 ans. Il s'est présenté par exemple aux dernières élections régionales en Ile-de-France, où il a fait 2% avec des moyens très très limités. Mais c'est quand même 40 000 voix, donc c'est un score porteur d'espoir pour les législatives qui s'annoncent. Et il se trouve que dans le même temps, on a commencé à discuter au sein de la REV avec... les insoumis, avec ce Parlement de l'Union Populaire, et que de plus en plus, il nous apparaissait logique de nous rapprocher de Jean-Luc Mélenchon et de ses équipes, parce que on avait le sentiment que depuis quelques années, l'écologie était vraiment portée d'une manière extrêmement intéressante par Jean-Luc Mélenchon. Qui n'est pas un écologiste historique. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon s'est mis à l'écologie. Bien évidemment, si on reprend son parcours, il y a 30 ans, il parlait pas d'écologie, il y a 20 ans, encore très peu. Et puis, il y a 7-8 ans, il a commencé à parler de l'importance de la mer, par exemple. Et moi, j'ai vu son programme évoluer. Je l'ai suivi de très près. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le propos qu'il tient sur notre relation, notre rapport au vivant dans son ensemble. C'est-à-dire avec une vision quasi philosophique de la manière dont nous devons envisager l'écologie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Sophia Chouvia, vous êtes la fille de Cédric Chouvia, livreur tué lors d'une interpellation de police. Vous dites, Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat à proposer des solutions au sujet des violences policières et surtout à s'opposer à l'impunité des policiers. Et Jean-Luc Mélenchon dit, beaucoup de monde s'est rendu compte que quelque chose a pourri à l'intérieur de la police du fait du sentiment qui a été donné à des éléments violents qui seraient toujours couverts. Sophia, ce soir, vous vouliez absolument être là, face à Jean-Luc Mélenchon. Vous, pour vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul candidat qui aujourd'hui, vous avez dit, propose des solutions. Bien sûr. Pour moi, je trouve que, enfin, depuis le début de cette campagne d'élection présidentielle, j'ai essayé d'être attentif à chacun de leurs discours. Donc, bien sûr, j'entends parler d'économie, j'entends pour certains qui est important la santé, l'écologie aussi, plein de sujets, mais je trouve qu'on ne met pas assez en lumière le sujet des violences policières, qui est pour moi aujourd'hui un fléau qui existe, qu'il faut reconnaître. Et aussi, pourquoi aujourd'hui j'ai souhaité venir ici pour en parler avec monsieur Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il m'a touchée dans certaines de ses propositions qu'il a faites face à ce sujet, parce que moi aussi j'ai réfléchi pendant 2 ans. Le jour où j'ai été touchée... Votre papa est parti il y a 2 ans. Exactement, mon père, Cédric Chouvia, je le rappelle, un père de famille qui est mort le 3 janvier 2020, tué pendant un contrôle routier simple, et que durant ce contrôle routier, il y a eu des techniques qui ont été utilisées, meurtrières, et que depuis le début de notre affaire, on les dénonce. On s'est adressé aussi à Emmanuel Macron, qui ne nous a jamais répondu, qui nous a carrément ignorés, et à M. Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui a été insultant auprès de nous. Pourquoi nous qu'est-ce, a moqué, qu'est-ce qu'il vous a répondu, parce Gérald Darmanin? Au moment où on a parlé de suspendre ces 4 policiers, il a dit qu'il ne le ferait pas. Donc on a l'impression qu'il les protège actuellement, alors que tous les éléments de notre dossier prouvent qu'aujourd'hui, c'est des individus dangereux qui sont acharnés sur mon père et qui l'ont tué. Et en plus de ça, lorsque notre ministre de l'Intérieur a parlé des violences policières, c'était pour dire que quand il entend violences policières, il étouffe. Et j'aimerais rappeler que mon père, Cédric Chouvia, pendant qu'il était en train de vivre sa mise à mort, où 4 policiers étaient en train de s'acharner et le priver de respirer, il criait « Cette fois, j'étouffe ». Et notre ministre de l'Intérieur est au courant de ces paroles que mon père a prononcées et criées de détresse et d'agonie à ce moment-là. Donc du coup, actuellement, moi, en tant que citoyenne, en tant qu'humain et en tant que fille de victime, je suis déçue actuellement par mon gouvernement. Je suis aussi déçue mon gouvernement parce que, à cause de leurs erreurs et de leur ignorance, il y a des choses qui sont produites, il y a eu des drames. Et si on n'empêche pas tout ça, et si on n'apporte pas des mesures et des solutions, ils vont se reproduire et on pourra que pleurer. Et aujourd'hui, moi, je veux qu'on empêche ça, et je veux aussi qu'on porte des solutions pour comprendre la police, comprendre la population. Et M. Mélenchon, aujourd'hui, quand je l'entends dans ses discours, j'ai l'impression que il entend la population, il entend ces cris de détresse et qu'il a envie d'apporter des solutions. Et moi, quand j'ai réfléchi à certaines solutions qui sont en accord avec M. Mélenchon, c'est par exemple quelque chose de tout simple, la police de proximité. Je pense qu'avant de les armer encore plus, faudrait les écouter, bien sûr, et il faudrait qu'ils se réconcilient avec la population, qu'ils amènent un dialogue avec les jeunes. Faudrait que finalement on sensibilise plus les jeunes, c'est-à-dire ça c'est des propositions que je me permets de faire, qui pour moi sont intelligentes et aujourd'hui sont nécessaires aujourd'hui parce qu'on a un très grand tournant dans notre monde, dans notre pays, et il faut vraiment valoriser la bienveillance auprès de notre peuple et rassurer aussi les victimes, parce que voilà, pendant 2 ans moi j'ai parlé avec des avocats, des policiers, des victimes, le peuple, des professeurs, et on a tous été d'accord pour dire que en ce moment on se sent délaissé et il faut rapprocher et réconcilier. Moi j'aimerais aujourd'hui porter un message d'espoir, parce que aujourd'hui on a besoin d'espérer, on a besoin de croire et on a besoin d'être soudés, avoir vraiment un esprit de solidarité, et c'est pour ça que je voulais parler avec vous, monsieur Mélenchon, Alors, Jean-Luc à propos de ces solutions et que j'aimerais en discuter parce que j'en ai plusieurs. On va en discuter avec Sophia et après il y aura Yannick Andurin qui va venir les gens. Merci Sophia. Jean-Luc, Sophia qui a vécu un drame que vous connaissez. Et c'est vrai que Sophia maintenant, elle essaie vraiment de trouver des solutions. Je crois que Sophia nous a dit quelque chose, elle n'est pas anti-police, bien au contraire. Elle veut essayer de trouver des solutions pour que la police et la population puissent vraiment mieux vivre ensemble. Je pourrais ajouter d'ailleurs quelque chose à ce propos pour bien insister que je suis vraiment pas anti-police parce que j'ai pu cerner aussi de la souffrance dans cette institution et aussi j'ai remarqué finalement que dans notre société on devrait privilégier l'institution policière, de la santé, de l'éducation. Pour moi c'est vraiment des secteurs qui doivent vraiment être plus valorisés et je vous laisse la parole. Allez-y, mais Jean-Luc, j'aimerais vraiment qu'on en discute. Non mais allez-y, développez vos propositions, si on a les mêmes je le dirais, voilà. Tout simplement, la police de proximité, aussi valoriser plus dans l'éducation le métier de la police, expliquer plus aux jeunes en quoi ce qui consiste, que ceux qui sont pas nos ennemis, bien sûr, parce que il faut dialoguer avec les deux. Pour moi, je trouve pas que c'est nos ennemis, mais je trouve que finalement, la police a fait une erreur pendant plusieurs années, c'est qu'elle a été trop solidaire avec le corps policier, mais elle s'est pas indignée de ces gens qui ont sali aujourd'hui l'uniforme de la police en tuant, en étant raciste, en faisant beaucoup trop de contrôles au faciès. Pour moi, cette question, elle est importante de la soulever. Pourquoi autant de contrôles? Pourquoi quand dans un quartier populaire où il y a des gens qui sont en souffrance, ou peut-être bien sûr qu'il y a de la criminalité, mais je pense qu'eux aussi ils sont en détresse et qu'au lieu de plus d'être réprimant avec eux et de s'acharner avec des contrôles, plus les écouter, plus parler avec eux, plus parler avec ces jeunes. Donc il y a plein de choses qui sont importantes à souligner. Ce sujet mérite de la lumière, mais dans les deux camps, dans tous les camps, parce que finalement on est avant tout des humains, on est des citoyens et aujourd'hui on paye les erreurs de notre gouvernement qui a fait que de se répéter. Alors, au fur et à mesure, parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions et ils ont voulu ignorer que dans la police il y avait des personnes qui étaient... Non, tout simplement, l'institution policière aujourd'hui, quand je discute avec des policiers, on remarque qu'ils sont mal formés. Alors on va en avoir un dans un instant, on va voir là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, monsieur Mélenchon, avec moi, mais la méthode de formation, elle est mauvaise, elle est scandaleuse. Ils devraient avoir plus de suivi avec des psychologues, avec des sociologues. Aujourd'hui, on a à disposition beaucoup de professions qui pourraient nous amener à nous entendre, à former et aussi à vivre ensemble. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Est-ce que vous, il y a quelque chose, monsieur Mélenchon? C'est la première fois qu'on n'entend pas Jean-Luc Mélenchon pendant aussi longtemps. Bravo Sophia, déjà c'est... Non mais ça va, ça me tient vraiment à cœur parce que... Cette jeune femme, son père a été assassiné. Sophia, je vais vous le dire... Donc c'est pas Monsieur Mélenchon, c'était pour une fois, son père a été assassiné. On le sait. Il criait « j'étouffe » et ces hommes se sont acharnés sur eux. On n'a pas remis les images en mentant ensuite, et ils ont été couverts par les organisations policières d'un bout à l'autre. Vous avez suivi l'affaire Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est vrai que c'est une affaire... Du calme. On a vu le... Vous n'êtes pas de taille à m'intimider. Essayez pas. Il va arriver dans un instant, Yannick Landurin. D'accord. Major d'une BAC dans le 93. S'il vous plaît. Moi, je sais une chose. Non, mais Jean-Luc... Le père de cette jeune femme a été assassiné. Et vous l'entendez avec un calme absolu. Il y a encore une enquête, Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, mais juste, voilà. L'enquête a précisé qu'il était mort à cause de leur prise meurtrière. Alors, vous m'interrompez, pourquoi, Cyril? Cyril, pourquoi vous faites ça? On peut le préciser que quand même, il y a eu l'assassinat qui l'a crié, j'ai tout cette... Non, mais je me débrouille tout seul, si vous voulez bien. Je me débrouille tout seul, d'accord? Non, mais je vous le dis. Oui, mais vous me le dites, mais je me débrouille tout seul. Vous pouvez pas... C'est pour vous. Cet homme a été assassiné. Il a dit à 7 reprises qu'il étouffait. Sa défense a prétendu que le bruit de la rue empêchait qu'on l'entende. Depuis, un film a montré que ce n'est pas vrai. Cet homme a été assassiné. Et cette femme vient, qui est si jeune, totalement maîtresse d'elle-même, nous dire « Moi, je suis pour qu'on s'entende, qu'on se comprenne, qu'on en sorte. » C'est mon point de vue. Je ne suis pas d'accord avec cette forme de police. Et si je dois demain être le président de ce pays, je réformerai tout de la cave au grenier. Et ceux qui se sont rendus coupables d'actes criminels seront punis. Et certains ne seront plus membres de la police nationale parce qu'ils en sont indignes. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, que peut-on faire? On va arriver dans un instant, Yannick. Parce que là, faites quoi, là? Je vais vraiment donner la parole à Sophia. Elle l'a donné. Maintenant, c'est à moi de m'exprimer. Alors, justement, si vous voulez on va dire à Yannick de je peux, oui ou non, dire ce que moi, je ferais. Bien sûr. Bah, vous allez le dire devant Yannick, puisqu'il est là. Non, à elle. C'est elle qui m'a posé la question. Non, mais c'est... Elle m'a dit, la formation, vous trouvez ça bien ou pas? Je réponds comme elle, non, je ne suis pas d'accord pour qu'on ait diminué la formation des policiers. Ils faisaient avant 2 ans, ils font plus que 6 mois, c'est une honte. Deuxièmement, j'interdirai l'usage du plaquage ventral, j'interdirai l'étranglement, parce que ce sont des méthodes qui sont interdites dans des paquets de pays. J'interdirai le flashball, j'interdirai les grenades de désencerclement. La police républicaine ne tire pas sur les gens. La police républicaine, elle est aimée du public et elle doit se rendre respectée. Pour pouvoir être respecté. Et cette femme a raison de dire que notre travail maintenant, ça n'est pas de réconcilier deux camps. La police est au service de la population, du peuple souverain, qui ne lui doit rien du tout. Merci Sophia. On doit faire rentrer Yannick. Je voulais terminer par un message que je voulais faire passer. Allez-y. Voilà, en tant que jeune, en tant que citoyenne, j'aimerais vraiment sensibiliser les jeunes à les mettre au courant qu'aujourd'hui on a un tournant important, voilà, dans notre pays, et que aujourd'hui on a des droits et on a un pouvoir dans nos mains, c'est de voter. Et je pense que c'est important de le rappeler, qu'il faut aller voter. Les clés de notre avenir, elles sont entre nos mains. Demain, le changement, et pour que des histoires comme la mienne ne se reproduisent pas, il faut aller vers ceux qui finalement nous écoutent et apportent des solutions. Voilà, je suis pas là pour être derrière une campagne spécifique, mais en tout cas, moi, je choisirai la personne qui nous écoute, qui est près de nous et qui finalement soulève cette question aussi des violences policières et qui dit que ça existe et qui nous ignore pas. Donc, allez voter. Voilà. Merci Sophia. On a un pouvoir entre nos mains et il faut le faire. Merci Sophia. Merci Sophia, c'est bien. Tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porché. Je suis ravie de vous retrouver depuis plusieurs numéros maintenant, chaque semaine pour analyser et décrypter l'actualité économique et politique en ces temps présidentiels. J'ai pour habitude de vous dire qu'avec tous les discours environnants autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Au programme aujourd'hui, on revient sur le vote de la primaire populaire qui a débuté jeudi matin et ce collectif qui milite pour une union des gauches. On parlera aussi d'un gros thème de campagne présidentielle, le travail. le SMIC ou les travailleurs sont dans la rue quand, en même temps, si je puis dire, Macron propose le travail jusqu'à 45 heures par semaine pour les jeunes. Et enfin, toujours notre président, Macron, décide de ne pas participer au débat du premier tour. On va en savoir plus, c'est l'instant Porcher. Le vote de la primaire populaire a débuté jeudi matin. Bon, la primaire populaire, vous commencez peut-être à connaître. Vous savez, cette initiative et consultation citoyenne où les inscrits, ils sont plus de 460 000, votent parmi 7 personnalités des gauches. Le victorieux ou la victorieuse est ensuite soutenu par les inscrits pour la présidentielle. Le vote est assez inédit car il consiste à choisir par jugement majoritaire. Les votants doivent évaluer et classer les candidats en complétant cette affirmation. Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune de ces personnalités serait... Et ensuite, on peut compléter, elles peuvent attribuer à chaque candidat très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant. Les 7 personnalités en lice, hein, qu'elles le veuillent ou non, puisqu'elles ont été choisies par le collectif et ne se sont pas présentées d'elles-mêmes, sont Anna Agueb-Portery, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira. Les militants plaident pour une grande union des gauches. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo n'en reconnaîtront pas le résultat et font déjà campagne sur leur propre programme. Thomas, quel bilan tirer de cette initiative citoyenne ? Après pratiquement 6 mois d'existence, c'est que cette histoire de primaire ou d'alliance des gauches a pollué complètement le débat de beaucoup de candidats à gauche. C'est-à-dire qu'au lieu de leur parler de leur programme, de parler du fond, il y a toujours cette question qui revient, et pourquoi pas l'alliance des gauches, et pourquoi pas ci, et pourquoi pas ça. Puis la deuxième des choses, c'est qu'ils ont tellement été bons dans l'alliance, alors ça c'est très marrant, c'est des gens qui disent, oui, il ne faut pas rajouter des candidatures, et ils ont réussi à trouver le moyen d'en rajouter. Christiane Taubira, je pense que ça l'a beaucoup influencée, parce qu'elle était dans les mieux classés, hop, elle veut être candidate, puis il y a 2 autres personnes que je ne connaissais pas, qui sont des citoyens qui veulent être candidats, et donc ça donne en plus des idées à des gens qui n'étaient pas là, mais qui ont l'impression, via cette primaire, d'avoir une certaine notoriété à gauche, parce qu'ils ont su mobiliser une partie des militants ou des votants, et qui, là, se disent bah, « pourquoi pas moi ?». Donc, en plus de ne pas arriver au point qui était le point initial de l'alliance, ça a créé des divisions supplémentaires. Donc, je pense que le bilan n'est pas très bon, effectivement, pour la gauche. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le comportement des candidats par rapport à cette primaire, selon toi ? Il y a 3 comportements. Il y a le premier comportement de ceux qui l'ont refusé d'entrée de jeu. C'est le cas de Mélenchon, principalement, qui ne veut plus entendre parler de ça, et qui, encore une fois, dans toutes ses interviews, il y a toujours une partie qui est consacrée à l'alliance des gauches, la primaire collective, et il ne veut pas en entendre parler. Et là-dessus, il a gardé sa ligne. Vous avez ceux qui sont un peu dans les « je t'aime, moi non plus », c'est-à-dire Yannick Jadot, Anne Hidalgo, et Taubira maintenant, puisqu'elle est rentrée dedans, et Montebourg aussi, parce qu'au début, il était contre, puis maintenant, à la fin, il veut faire l'alliance. Jadot, l'année dernière, Yannick Jadot avait réuni toutes les forces, on va dire, de gauche, des anciens macronistes, Aurélien Taché, Mathieu Orphelin, donc il allait chercher quand même loin, jusqu'à Mélenchon, il les avait réunis, ça n'a pas marché, maintenant il veut faire campagne seule. Ok, très bien. Anne Hidalgo, pareil, elle voulait faire campagne seule au départ, puis à la fin, elle s'est dit, bon, ça décolle pas, il faut quand même faire une primaire. Et puis finalement, ça, voilà, elle a abandonné l'idée. Et puis vous avez une autre partie, que moi j'appellerais des seconds couteaux, pour qui cette plateforme a permis d'émerger. Monsieur Larouturou, par exemple, là, il est dans les finalistes. Bon, il a su mobiliser un petit peu des gens autour de lui. Il se retrouve dans les finalistes. Donc là, il existe. Il existe. Il devient quelqu'un qui est potentiellement présidentiable ou qui montre à certaines personnes qu'il compte et donc il faudra compter avec lui à gauche, comme les 2 autres qui sont sortis. Pareil, là, voilà, ils existent, ils ont une importance. Donc si on fait une coalition, un gouvernement, il faut compter sur ces gens-là. Donc il y a 3 types de niveaux. Ceux qui la refusent, ceux qui... Bon, je t'aime moi non plus, ce qui permet d'exister grâce à ça, parce que sinon, il serait en dehors des radars pour la plupart des gens. Et est-ce que, pour toi, on doit du coup en finir ou pas avec cette fameuse idée d'alliance des gauches ? Je pense qu'il faut en finir complètement, parce que là, on va tirer la conclusion, là, les votes vont être faits, il va y avoir un candidat qui va sortir, on va tirer les conséquences de ça. Moi, ce que je vois, c'est que ça a excité beaucoup de gens, et que maintenant, on a un candidat en plus, comme Christiane Taubira. Et je pense que cette initiative, elle n'en serait pas là. Et d'ailleurs, je pense que cette initiative avait pour but de faire émerger un candidat de ce type-là. Je pense qu'il faut arrêter avec les phrases creuses. Je veux dire, j'ai fait partie de ces gens-là, moi. Donc, je fais aussi, quelque part, mon autocritique. C'est-à-dire les phrases creuses où on dit « oui, justice sociale, justice environnementale », et puis à la fin, on se colle avec un parti qui a organisé en partie, je veux dire, la casse sociale des collectivités locales qui a voté les lois travail. On doit faire comme si on avait oublié tout ça, qui a gelé le point d'indice des fonctionnaires. Et on fait comme si on avait oublié tout ça, pour la justice sociale, et on rajoute des gens qui ont voté les lois travail, qui ont voté les économies sur les APL, etc., qui étaient avec Macron, et on les englobe comme ça dans un grand projet social. Non, il faut arrêter là. Je veux dire, faut arrêter ce truc-là. Plutôt que de faire une campagne et de mettre de côté cette idée, qui a traversé tous les partis, l'Union des droites, l'Union du Front National, ça prend toujours 2-3 semaines dans les autres partis et c'est fini. Les gens, après, ils font leur campagne, et voilà. Et là, on en est toujours à se dire, non, et on va avoir une énième, là, ce sera la troisième, alors je crois qu'il y avait eu, alors, l'appel des primaires des gauches, primaire.org, maintenant, vous avez la primaire populaire, ça va être quoi à chaque fois? Voilà, les gens, qui sont les mêmes qu'en 2017, ne veulent pas s'allier, ils ont des programmes différents. Bon, bah, il faut que chacun fasse son programme, et c'est tout. Il faut pas donner plus d'importance. Et là, je pense que le fait qu'ils aient plus de 400 000 participants, qui ne sont pas des militants, faut pas confondre participants et militants. Un militant, c'est quand même quelqu'un qui est formé, qui va tracter. Là, il y a des participants. Ils disent oui, on se mettra à disposition du gagnant, comme si c'était une force. Enfin, il faut que tout le monde se calme et redescende sur terre. Il ne faut pas confondre un clic et un militant. Il ne faut pas confondre une initiative, aussi inventive soit-elle d'un point de vue numérique, avec la réalité du terrain. Et puis, il ne faut pas résumer des programmes qui sont radicalement différents et un passif politique qui est radicalement différent à des grands mots comme ça, comme justice sociale ou justice environnementale, parce que après, quand on gratte, il n'y a rien. Et je parle en connaissance de cause, puisque moi, j'ai monté un mouvement politique se basant sur ça. C'était l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence européenne, avec cette idée qu'il fallait changer l'Europe, mais je crois que d'autres n'avaient pas la même idée que moi, vous voyez, et l'urgence démocratique, qu'il fallait revoir la démocratie avec des citoyens. Bon, bah ça s'est fini avec un parti qui était complètement cassé, qui s'est retrouvé avec le PS et qui a fait campagne avec le PS, celui qui avait eu la politique la plus dure à l'écart des classes populaires, même plus dure que celle de Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, moi je sais que tout ça c'est une comédie, parce que je les connais de l'intérieur, et pour moi je pense qu'il faut arrêter justement de polluer le débat, de faire signer des tribunes d'acteurs, etc., pour faire genre, il faut un peu redescendre sur terre et aller voir les vraies personnes, vous voyez, et les militants et les gens qui vivent la vraie vie, vous voyez, c'est ça qu'il faut aller voir. Il faut arrêter de se faire des réunions de brainstorming où chacun veut parler sans savoir de quoi il parle réellement, pour se faire un peu mousser. Il faut arrêter tout ça. Le travail, les salaires, le SMIC, gros thème de campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2022. On a débriefé la semaine dernière de Valérie Pécresse et sa proposition d'augmenter les salaires nets de 10%, soit environ 2800 euros nets, mais en diminuant les cotisations. Pour les autres candidats, par exemple, l'extrême droite propose de réduire les cotisations patronales pour les augmenter. Côté gauche, au pluriel, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira sont à 1400 euros nets, Anne Hidalgo 1450, Fabien Roussel et Yannick Jadot 1500. Philippe Poutou et Anas Kazib, 1800, et Nathalie Arthaud, 2000 euros net par mois. Et du côté des syndicats, c'est pareil, on réclame un SMIC à 1700 euros net par mois. D'ailleurs, l'intersyndicale et l'interprofessionnelle étaient dans la rue jeudi dernier, partout en France. On en a eu l'occasion d'en parler dans le média pendant les contre-matinales. Tout augmente, sauf les salaires, il y a urgence, pouvait-on lire partout. Du côté de notre président de la République, Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat, des propositions se dessinent comme un 40-45 heures pour les jeunes, pour réduire le temps de travail pour les plus vieux. On se rappelle de cette séquence lors de la campagne en 2017, on regarde. Mais par contre, si dans une boîte, ils sont capables de se mettre d'accord pour travailler 32 heures, parce que ça sauve les jobs, ou pour travailler 40 heures, sans heure sup, parce qu'il faut faire ça pour répondre aux commandes, on va gagner des parts de marché. La réduction du temps de travail, elle doit être à partir d'un certain âge. 35 heures, c'est du baratin pour quelqu'un qui a 30 ans. Ou même une enseignante, quand elle a 55 ans, le bruit, eh ben c'est deux fois plus. Non, mais t'as raison. Et quand t'es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème du SMIC jeune, 35 heures, c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 heures, parce que t'apprends ton job en même temps. Parce que si tu as une dégression des heures de travail avec l'âge, tu peux très bien travailler jusqu'à 65 ans. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire que toi, tu dis, on module pas seulement selon le secteur de l'entreprise, mais aussi l'âge. Donc on voit dans cette vidéo la proposition de Macron pour les 40-45 heures pour les jeunes. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Je suis hyper étonné. Je sais pas dans quel monde... Alors, je sais pas ce qu'il appelle un jeune, c'est jusqu'à 30 ans ou moins de 25 ans, je sais pas. Mais prenons jusqu'à 30 ans, un jeune. Bosser 40 à 45 heures. Alors, je demande, moi, je sais pas dans quel monde vivent ces gens. Je sais pas qui est-ce qu'ils rencontrent, parce qu'effectivement, si vous écrivez des livres, si vous êtes Daniel Cohn-Bendit, si vous êtes BHL ou je ne sais quoi, vous pouvez travailler jusqu'à 70 ans. Moi, je connais des grands professeurs, même quand ils sont à la retraite, ils continuent à participer aux séminaires, ils continuent à avoir de la lecture, ils continuent à produire des livres. Et c'est un choix. C'est un choix qu'ils font. Ils pourraient s'arrêter. Mais quand ils veulent, ils ont le droit de continuer. Donc là, on parle vraiment de métiers où c'est un choix. Mais la plupart des gens, moi, que je connais, même des jeunes, ils sont très vite cassés par le travail. Et je prends, moi, des exemples de la vie. C'est pour ça que je me demande où vivent ces gens. Des gens de la vie de tous les jours. À la crèche, j'amène mon fils, il y avait une jeune fille qui très vite a eu un problème au bras. Parce qu'elle soulève des bébés, les bébés ça pèse quand même un certain poids, quand vous en soulevez plusieurs pour les changer, etc. Vous devez soulever des tapis, ainsi de suite. Elle était jeune, elle avait déjà un problème au bras. Et Macron vient nous dire, cela, il faut qu'il bosse plus 45 heures. Enfin, c'est quoi ce truc? Je veux dire, à partir de quel moment, quand tu bosses 45 heures par semaine, tu fais un très bon travail quand tu fais les 10 heures supplémentaires? Est-ce que tu prends pas des risques en termes de santé? Est-ce que tu prends pas des risques pour les autres même? Enfin, moi, j'ai pas envie de me faire soigner par un médecin qui a bossé 45 heures. J'ai envie qu'il ait un peu de repos à un moment. Enfin, vous voyez, j'ai pas envie de prendre l'avion avec un pilote qui a fait 45 heures. Non, merci. Vous voyez, j'ai pas envie de prendre un chauffeur Uber qui a fait 15 heures d'affilée. Et je regarde même autour. J'ai un ami pareil aujourd'hui qui a plus de 40 ans, qui est un chauffeur Uber, qui avant a travaillé à pousser entre 30 et 40 ans, avait deux boulots. Il travaillait une partie Uber, la journée dans les cantines et ainsi de suite. Bah, le mec, il a plein de problèmes de dos aujourd'hui. Tout ce que tu fais ou tu forces dans les années 30-40 dans une grosse partie des métiers, tu le payes après. Donc, dire comme ça, ouais, t'es jeune, tu peux bosser 45 heures, dans certains boulots peut-être, hein, d'accord, mais dans d'autres boulots, non. Et puis après, Macron, il a jamais eu d'enfant et ça se sent. Enfin, les écoles aujourd'hui, elles ferment à quelle heure? Elles ferment à 5h30, 18h. Comment tu fais pour bosser quand t'as un enfant? Alors, tout le monde n'a pas des bonnes, hein. Parce que là, lui, il vit dans un univers où tout le monde a l'air d'avoir des bonnes. Ouais, là, ils vont chercher les enfants, vous payez un salaire en plus, 1000 euros. La plupart du temps, les gens, en fait, ils ont une autre journée qui commence après leur journée de travail. C'est la journée où ils font les courses, où ils font à manger pour leurs enfants, où ils gèrent la maison. Cette journée, elle n'est pas payée, vous voyez. Et elle est fatigante. Parce que quand vous êtes parent, vous la connaissez, cette journée. Lui, il n'a jamais été parent, donc il ne peut pas savoir. D'accord? Donc tout le monde n'a pas une vie où il rentre à la maison, où quelqu'un lui a fait à manger, où il n'y a pas d'enfants, où il y a des serviteurs. Faut que ces gens-là, mais c'est pareil dans beaucoup de parties. Hein. Faut que ces gens-là redescendent sur terre et qu'ils écoutent un peu les gens. Il faut qu'ils arrêtent de fréquenter, voilà, des gens qui travaillent dans la finance ou qui travaillent je ne sais où, qui écrivent des bouquins et qui vous disent, ah oui, on peut bosser 45 heures quand on est jeune. Moi, j'ai écrit 3 livres quand j'étais jeune. Bah, très bien, mais bon, va faire un autre boulot et tu vas voir que tu ne bosseras pas 45 heures. Donc, je trouve ça scandaleux et je trouve que c'est une méconnaissance. Là, il y a une campagne qui part où il dit avec vous, mais c'est une méconnaissance du vous, de ce qu'incarne la France. Voilà. C'est la connaissance de ce qu'il a fait de mieux depuis le début, c'est la connaissance de la Startup Nation. Mais il faudrait qu'il se penche de l'autre côté. Voilà. Lui qui a théorisé l'ubérisation de l'économie, bah qu'il aille voir comment ils sont les mecs d'Uber, justement, qui bossent 45 heures, s'ils sont dans un bon état. Et après, il viendra nous dire que c'est bien de bosser 45 heures. Tu parles justement des plus vieux qui travaillent. Il en parle aussi, hein, Macron. Il propose également de faire travailler les plus vieux plus longtemps, avec des incitations financières, par exemple. Qu'est-ce que tu penses aussi de cette idée pour les seniors? Toutes les études montrent que les gens n'arrivent pas en bonne santé. Enfin, l'espérance de vie en bonne santé diminue. Les gens n'arrivent pas forcément en très bonne santé en fin de carrière. Et d'ailleurs, les entreprises n'en veulent pas. Ça aussi, il faudrait que Macron il se penche là-dessus, parce que souvent, elle vire les personnes de plus de 55 ans. Il y a un chômage élevé des personnes de plus de 55 ans parce qu'elles coûtent cher et qu'on pense qu'on peut trouver un jeune plus productif et moins cher. Donc, les gens arrivent cassés, les entreprises n'en veulent plus. Et là, vous vous dites, ah bah oui, il faut qu'ils bossent plus longtemps. Mais je suis pas sûr, encore une fois. Si c'est un choix de travailler plus longtemps parce que vous écrivez des livres et que vous êtes content et que vous avez 70 ans et que vous vous dites, voilà, j'écris des livres, je fais des conférences dans le monde, ça me plaît, que c'est un choix. Pourquoi pas? Mais imposer cette obligation pour avoir une pension de retraite complète de bosser plus longtemps, bah, il y a des travaux. Moi, je pense soit les travaux vont être mal faits parce que les gens vont être cassés, soit il va y avoir des impacts très forts sur la santé qui existent déjà. Parce que la plupart des gens vraiment disent, quand vous lisez l'étude de la DARES, qu'ils ne pourront pas faire le même travail à 60 ans. Vous voyez, quand on les interroge. La réalité, c'est pas que des équilibres comptables. C'est pas avec ça qu'on fait une politique. Voilà. Il faut voir les gens. Donc, il fait sa campagne, encore une fois, du vous. Mais bon, le vous, il n'y a pas que des cadres. Il n'y a pas que la Startup Nation. Il y a 50% de vous qui sont des employés, des ouvriers et qui, eux, ont un travail qui délabre. Voilà. Il faut pas que Macron l'oublie. Il y a eu des manifestations sur les salaires, sur le travail, je le disais, pour l'augmentation du SMIC la semaine dernière. Est-ce que toi, tu partages cette opinion? Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Ou est-ce que ça coûte vraiment trop cher, comme n'arrêtent pas de le dire les libéraux? Moi, je pense qu'il faut l'augmenter, bien sûr. C'est qu'à partir des années 80, on a eu une baisse des salaires dans la valeur ajoutée. Ça, c'est clair et net. Dans ce qui reste, le profit, il y a une petite part qui va aux salariés, qui pourrait financer leurs augmentations. La plus grande part va aux actionnaires, majoritairement à 60%, parfois 80%. L'investissement, une petite partie aux salariés. Et puis, quand on regarde sur les 30 dernières années, le salaire des 1% les plus riches s'est envolé et le reste de la population a juste augmenté. Donc, il n'y a aucune raison, à part une raison politique, pour dire que, ah oui, les bas salaires, c'est un problème, etc., de les augmenter. Sauf pour une raison politique, puisque les hauts salaires, il n'y a pas de problème. Donc, il faut un peu sortir de cette idée que la compétitivité sur les bas salaires, voilà, doit se faire en comparant avec d'autres pays où le coût de la main-d'œuvre est pas cher et qu'en haut lieu, là, il n'y a pas de souci, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compétitivité parce qu'on est exceptionnel quand on est en haut lieu. Non, non, on n'a jamais créé autant de richesses, voilà. Aujourd'hui, pourtant, il y a une grosse partie de la population qui survit en dessous du salaire médian. C'est les fins de mois difficiles. bouffés par l'inflation, bouffés par le logement qui augmente, bouffés par un certain nombre de choses. Donc il faut, on ne peut plus appeler le SMIC un salaire minimum, puisque ce n'est pas un salaire minimum, point barre. Personne ne peut vivre avec, c'est un mensonge. Donc il faut réaugmenter ce SMIC, et moi je dirais même il faut avoir une politique salariale sur ce qui est en dessous du salaire médian, parce que ça devient trop difficile de vivre avec ça. On va continuer avec Emmanuel Macron, notre président, pas encore déclaré candidat, a pourtant fait savoir, enfin plutôt son entourage, qu'il ne participerait pas au débat du premier tour pour l'élection présidentielle 2022. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette décision ? C'est problématique là. C'est-à-dire que Macron, à un moment, s'il est candidat, il doit se plier aux règles de tous les candidats, c'est-à-dire de faire les débats de premier tour. On ne peut pas avoir comme ça un candidat, enfin, même si c'est un ancien président, qui se dit « moi je ne fais pas le débat du premier tour ». Donc on se rend compte qu'il y a une stratégie en fait derrière. La stratégie, c'est que c'est la stratégie qu'avait fait Mitterrand avec Chirac quand il l'appelait Monsieur le Premier ministre. C'est-à-dire qu'il veut rester le président, il veut plus passer, il veut être au-dessus de la mêlée, voilà, et ne pas passer candidat. Ce qu'il a réussi à imposer, on le voit bien dans les débats, c'est que tout le monde se positionne finalement en fonction de lui. Lui, il est au-dessus, il gère, il rentre pas dans les petites polémiques. En bas, il y a des petites polémiques stériles et tout. Lui, parfois, il arrive, il met sa touche et puis il repart. Voilà, c'est à peu près ça. Et cette position l'arrange, ça lui donne une stature tout de suite au-dessus de la mêlée, même en termes d'image, de forme. Donc il veut surtout pas casser cette stature et se retrouver dans un débat où les gens lui posent des questions sur le fond, sur ci, sur ça, etc. Il faut qu'il ait toujours l'impression que c'est lui qui a géré bien la baraque et qui est au-dessus des autres. Donc il refuse ça. Mais en même temps, enfin, je pense qu'il se sert aujourd'hui encore beaucoup de la crise sanitaire. Et ce qu'il arrange, moi je pense, c'est de tout débloquer, de libérer tout le monde, on va dire, de tout ça, juste dans la dernière ligne droite pour dire « je suis le libérateur » et que tout le monde dise « oui, c'est Macron, finalement, il est bien, ça l'arrange aussi ». Mais je pense que ce qu'il veut, lui, c'est garder toujours cette hiérarchie invisible, mais qui est quand même présente, en étant le président face à des candidats. Alors que si tu le vois en débat de premier tour, ça redevient un candidat normal avec un temps de parole limité, avec des gens qui peuvent l'interviewer, etc. Et là, c'est difficile. Et donc, en fait, tous les candidats, ils sont toujours à attaquer Macron en particulier, mais ils attaquent Macron sans jamais pouvoir débattre avec lui. Et lui, il est au-dessus comme ça, et parfois, il met un petit mot comme ça sans même citer le candidat qui l'attaque. Donc, il a la position avantageuse. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il veut pas. Mais là, démocratiquement, je pense que l'ensemble des gens, pareil, y compris ceux qui croient en la démocratie dans le parti En Marche, devraient dire non, un candidat, c'est un candidat, point barre. Il n'y a plus ce jeu-là, et il doit faire les premiers tours comme tout le monde, et ainsi de suite. Ils peuvent refuser, s'ils veulent, un processus de primaire dans En Marche, hein, a priori, et voir qu'il y a nominé, comme le PS l'a fait, un candidat, mais après, ils participent à tous les premiers tours. Il n'y a pas de particularité, à mon avis, quand on a été président, parce qu'on n'est plus président, on devient candidat. Et d'ailleurs, là, je pense qu'à un moment, il va falloir l'interroger de plus en plus sur sa déclaration de candidature. Parce que là, il y a un faux suspense, tout s'organise, et lui, il fait genre « non, non, je suis président », mais en même temps, il fait tout autant campagne. C'est un peu ce qu'il avait fait déjà quand il était ministre de l'économie, où il organisait beaucoup de dîners, etc., où il préparait en fait sa candidature. Donc il ne faut pas qu'il y ait un mélange des genres, et je pense que rapidement, il faut qu'il se présente, et s'il se présente, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Quand on est candidat, on fait tous les débats. Voilà. Merci Thomas. Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant Porché. Et si le média tient, c'est grâce à vous. Vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine, car l'élection présidentielle approche à grands pas. Et c'est difficile de faire le tri avec tout ce qu'on entend autour de nous. Et un gros merci pour les messages de soutien et les adorables sociaux qu'on croise sur le terrain. Merci de nous avoir suivis. On attend vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine. Thank you. plus. Quand elle parle d'elle et de son action, Valérie Pécresse aime se présenter comme la dame de fer. Un clin d'œil probablement à Margaret Thatcher, premier ministre britannique des années 80. On a au fond les références qu'on se choisit. Faire comme le verbe F-A-I-R-E à la tête de la région Île-de-France que l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy dirige depuis 2015. Parmi ses compétences de présidente de région, les transports. Quand on dirige une région comme l'Île-de-France, la première du pays avec un réseau de transports publics parmi les plus denses au monde, on est en prise directe avec la vie des Français et des Franciliens. C'est un signe et le gage de sa capacité à gouverner. Le genre de compétence qui vous taille une stature de présidentiable. Valérie Pécresse est aujourd'hui candidate aux plus hautes fonctions de la République. Dans moins de 3 mois, les Français décideront, peut-être, de l'élire à la place d'Emmanuel Macron pour lui succéder. Après sa désignation à la primaire LR, début décembre, Blast a décidé de s'intéresser à son action à la tête de cette immense collectivité, la région Île-de-France. En enquêtant, nous avons découvert que la double présidente de la région et d'Île-de-France Mobilité, l'autorité qui organise et finance les transports en Île-de-France, déposait des déclarations d'intérêt dans laquelle elle invisibilise son patrimoine, ses actifs financiers. Des déclarations déposées comme la loi l'impose à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP, et auprès des services de la région Île-de-France chargés de veiller à la probité des élus et d'empêcher les conflits d'intérêts. Pourtant, Valérie Pécresse et son époux détiennent des participations financières. Blast l'a également révélé. Le couple possédait des actions Alstom. Alstom, c'est État dans l'État, champion français et mondial des transports. Chez Alstom, on fabrique des trains, des tramways et des bus. Ceux qui équipent les lignes empruntées par les Franciliens. Ceux que la même Valérie Pécresse achète et paye en tant que présidente de région et d'Île-de-France Mobilité. Au cours de notre enquête, nous avons interrogé de nombreux élus. Administrateurs, actuels ou passés d'Île-de-France Mobilité, tous ont siégé avec Valérie Pécresse. Conseillers régionaux, mais aussi les représentants d'autres collectivités, puisque parmi les 32 membres du conseil d'administration, la moitié sont élus de la région, les autres de la ville de Paris ou encore des 8 départements d'Île-de-France. J'aurais posé très directement la question. Saviez-vous que Valérie Pécresse était actionnaire d'Alstom? Ce sujet a-t-il ou était-il abordé? La réponse à chaque fois a été la même. Non, jamais entendu parler. Je n'étais pas au courant. Ou vous me l'apprenez. L'affaire révélée par Blast est explosive et la situation de la championne des Républicains intenable. Le Code des transports qui organise le fonctionnement de cet établissement public est sans équivoque. Les membres du Conseil d'Île-de-France Mobilité ne peuvent avoir aucun intérêt ni avec les opérateurs des transports franciliens, ni avec les entreprises qui contractualisent avec celles-ci. En clair, Valérie Pécresse, administrateur d'Île-de-France Mobilité depuis 2010, puis présidente de cette même autorité depuis 2015, n'aurait jamais dû être autorisée à siéger au conseil d'administration et encore moins diriger l'organisme dont le logo figure sur les tickets de métro que des millions d'usagers empruntent chaque jour. Vous pouvez lire cette enquête, ses 2 premiers volets, sur le site de Blast. Vous pouvez aussi, puisque nous sommes en pleine campagne présidentielle, lire et découvrir les dessous du conflit qui oppose le directeur de campagne d'Éric Zemmour, le général Bertrand de la Chesnay, et le ministère des Armées qui lui demande aujourd'hui de démissionner. Un autre terrain sur lequel Blast a enquêté. Et puis, si ces enquêtes vous intéressent, partagez-les sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous pour continuer à produire ce travail d'utilité publique. Vous pouvez vous abonner et faire un don sur notre site blast-info.fr. Merci à tous. Thank you. Clément Viktorovitch nous rejoint avec un peu d'avance ce soir parce que l'actualité s'y prête. Clément, débat houleux à l'Assemblée sur le pass vaccinal. Vous avez tenté d'observer les arguments des uns et des autres pour en tirer quelques enseignements. Vous avez suivi comme nous ce petit coup de théâtre politique hier soir avec la suspension des débats obtenus par les oppositions. Et pour vous, cet épisode dépasse le seul affrontement rhétorique. Il pose aussi de profondes questions politiques. Il me semble, Nicolas, en effet. Alors, commençons par poser le contexte. Pour que le pass sanitaire puisse être transformé en pass vaccinal le 15 janvier prochain, il faut absolument qu'une loi soit adoptée par le Parlement dans des délais extrêmement serrés. L'examen commence hier. Tout se passe bien pour le gouvernement, la majorité est majoritaire, jusqu'à ce qu'Olivier Véran demande l'autorisation de prolonger les débats dans la nuit, en théorie une simple formalité, quand, soudain, de nombreux députés de l'opposition surgissent dans l'hémicycle et mettent le gouvernement en minorité. Cette manœuvre, vous vous en doutez, n'a pas manqué de faire réagir l'exécutif. Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne, Amélie de Montchalin, Clément Beaune et Gabriel Attal. Ils étaient respectivement sur France Info, RMC, LCI et France Inter. C'est une manœuvre navrante. C'est le spectacle de députés d'opposition qui ont joué une bonne pièce de théâtre et qui sont allés se coucher tôt. Un coup politique d'un cynisme absolu. C'est surtout consternant. Une volonté manifeste d'obstruction, de cette amicale d'irresponsabilité. Moi, ce que je dénonce, c'est la tentation du coup politique, c'est l'irresponsabilité, et je le redis, c'est l'hypocrisie. Les ministres, donc, vous l'entendez, très en colère contre l'opposition. Est-ce que cette colère est justifiée? Disons qu'elle est compréhensible. C'est un peu malicieux, tout de même, ce qu'ont fait les députés de l'opposition. Il faut savoir qu'au Parlement, il existe un principe non écrit. Dans l'hémicycle, on laisse la majorité être majoritaire. C'est comme ça, et d'ailleurs c'est plutôt sain. C'est ce qui permet à une partie des députés de ne pas forcément venir en séance publique pour avoir le temps de faire des auditions ou de préparer des amendements. Hier, en se cachant dans les couloirs et en débarquant par surprise au moment d'un vote stratégique, les membres de l'opposition ont violé cette règle pour retarder l'adoption d'un texte que le gouvernement juge crucial pour le succès de sa politique sanitaire. Et en même temps, si le texte est si important, peut-être les députés de la majorité auraient-ils pu être présents ? Alors en effet, et on touche ici au cœur du problème, depuis le début de la crise sanitaire, le Parlement a été malmené, c'est un fait. Les députés et sénateurs ont été contraints d'examiner des textes à marche forcée dans des conditions qui ne permettent pas de les discuter sereinement. Ils ne peuvent pas non plus d'ailleurs exercer efficacement leur fonction de contrôle, puisque la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la crise sanitaire a été dissoute en janvier dernier contre l'avis de toutes les oppositions. Et surtout, ils doivent se contenter de ratifier après coup des mesures présentées comme déjà actées par l'exécutif. Je prendrai juste un exemple. Le projet de loi discuté actuellement prévoit notamment une jauge maximale de 5000 personnes dans les stades en plein air. Que le stade comporte 10 000 places ou qu'il en comporte 50 000. Le député Sacha Houlier, pourtant membre de La République En Marche, proposait que la jauge soit plutôt proportionnelle à la taille du stade. L'amendement avait été adopté en commission, mais Olivier Véran s'y est opposé en séance publique. Ce sera la volonté du gouvernement qui prévaudra sur ce point, comme, et c'est là tout le problème, sur presque tous les autres, le Parlement commence fort à ressembler à une simple chambre d'enregistrement. Ce n'est pas nouveau, ça non ? Alors non, c'est pas totalement nouveau, mais il y a quand même, je crois, deux nuances importantes. D'une part, l'ampleur de l'emprise que l'exécutif s'est arrogé sur le législatif. Je vous donnerai juste un seul chiffre. En 2019, la moitié des textes de loi étaient issus d'une ordonnance, c'est-à-dire rédigés directement par le gouvernement. C'était un quart, moitié moins, 20 ans plus tôt. D'autre part, et surtout, nous sommes dans une période très particulière. Depuis un an et demi, le Parlement est appelé à voter des restrictions drastiques de nos libertés publiques, et il le fait dans de mauvaises conditions. Hier, les députés discutaient du pass vaccinal. Quoi qu'on en pense, qu'on le juge justifié ou non, c'est une entorse importante aux libertés. Et oui, sur un tel enjeu, peut-être les membres de la majorité auraient-ils pu faire l'effort de se déplacer. L'opposition, c'est vrai, s'est montrée légèrement roublarde, mais au fond, n'était-ce pas un peu justifié ? Clément Viktorovitch, entre les lignes. Thank you. La reine. l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Depuis 2011, ce dispositif oblige EDF à vendre un quart de son électricité nucléaire à ses concurrents. Le but, leur permettre de rivaliser avec le mastodonte qui bénéficie de son parc nucléaire, amorti et très rentable. La Commission européenne a dit à la France « Vous devez prendre des mesures pour que la concurrence puisse avoir sa chance. » Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit « On va donner aux opérateurs de la concurrence un accès au nucléaire d'EDF. » C'est-à-dire qu'ils pourront avoir accès à cette capacité nucléaire qui est moins chère. Et ce n'est pas tout. Les nouveaux venus ont eu droit à un prix d'amis. 42 euros le mégawattheure, quand le coût de revient pour EDF est estimé à près de 50 euros par la Cour des comptes. Près de 8 euros perdus pour chaque mégawattheure. Un choix un peu arbitraire, à en croire le président de la Commission de régulation de l'énergie. Plus sur le 42. Donc on disait, il faut que tout le monde profite du prix du nucléaire à 42. Pourquoi 42 ? Parce que pas 43. Voilà. Ça semblait... À un moment donné, il y a une décision qui a beaucoup de technique, et puis il y a un mec qui dit, c'est comme ça. C'est pas toujours scientifique à la fin. Ouais. L'arène, c'est le sujet qui fâche chez EDF. Le PDG d'alors, Henri Proglio, ne l'a jamais digéré. Ah oui, non, mais c'est stupide. Non, c'est pas le prix. Le 42, c'était une convention, c'était un prix de cession favorable, c'est-à-dire qu'on subventionnait la concurrence pour qu'elle puisse venir nous piquer des parts de marché. C'est assez original. Mais on est les seuls industriels au monde à qui on nous demande de financer les concurrents pour qu'ils viennent vous piquer des parts de marché. Des concurrents, EDF en a une quarantaine. Voici un des petits derniers. Équateur. L'entreprise a 5 ans et tient sur 3 étages au cœur de Paris. Le patron, c'est Julien Tchernia. Équateur vend de l'électricité à 250 000 clients, mais ne produit rien, n'a aucune centrale. Effectivement, on n'est pas producteur. On pense que c'est très important. Un boulanger n'est pas producteur de blé. Il achète son blé au producteur de blé et il fait son pain avec le blé qu'il a acheté au producteur de blé. Nous, c'est le même concept. On est un commerçant. Dans ses pubs, chez les dinosaures de l'énergie, nous prenons le défi écologique très au sérieux. Il s'en prend aux dinosaures de l'électricité qui font furieusement penser à EDF. Franchement, qui miserait sur eux pour changer les choses ? Équateur, changeons d'air, changeons d'énergie. Pourtant, c'est bien grâce à EDF qu'il peut vivre. Grâce à l'arène, l'électricité nucléaire à 42 euros le mégawattheure, il fait de belles affaires. Qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette électricité arène ? Ça nous donnera un certain volume d'énergie à 42 euros, que nous, on revend sur les marchés, au prix de marché. Donc si on le revend aujourd'hui, on va acheter à 42, on va revendre à, je vais dire, n'importe quoi, 100. Et cette marge-là, on va la garder pour la mettre en déduction du coût du kilowattheure de nos clients ensuite. En clair, avec l'arène, il fait de sacrées marges. En janvier, par exemple, ce qu'il achetait 42 euros à EDF, il pouvait le revendre 250. En fait, vous êtes quand même subventionné un peu par EDF, on pourrait dire. Nos clients sont subventionnés par EDF. Revue de presse, Remiremont et environ. Remiremont, le lourd passé judiciaire étudié par la Société d'histoire locale. La Société d'histoire locale vient de publier le numéro 6 de ses cahiers du pays de Remiremont. La publication reprend les travaux colossaux de Nadine Berger et Pascal Richard au sujet des condamnés à mort et des prisons de Remiremont. Cold case. Alors, le mystère de l'affaire Piper. Alors, il y a quelqu'un qui a ajouté dans la marge au crayon, cold case, what is it? Et puis en dessous, was is das? Hein? Eh oui. Französisch sprechen, bitte schön, hein? Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1976, un cadavre carbonisé est découvert dans la maison incendiée d'un officier allemand, Joachim Piper, à Traves, en Haute-Saône. La nuit du 13 au 14 juillet, tiens, quelle coïncidence. L'ancien adjudant de Himmler traîne un lourd passé de criminel de guerre. Ensuite, la région est loin d'être inconnue pour l'Allemand, aux côtés d'Himmler, dont il était l'adjudant entre 1938 et 1941, Piper a sillonné l'est du pays lors de la campagne de France. Des photos en noir et blanc le montrent à Metz et à Dijon, aux côtés du Reichsführer SS au cours de l'année 1940. Alors, ils avaient le projet Burgund, imaginé par Himmler. C'est-à-dire transformer la Bourgogne en un État allemand. Eh oui, les Burgondes sont des descendants des Germains. Oui, mais bon. Depuis, ils parlent français. Joachim Piper achète à leur enfant une parcelle boisée au bord de Saône en 1963, à l'écart de Traves au cours de l'année 1962. 62, il a acheté ça. L'acquisition est signée au nom de son épouse, Sigurd, elle-même nazie convaincue et ancienne secrétaire d'Himmler. Une façon de rester discret. En 1963, l'ancien officier, salarié de Volkswagen, obtient un permis de construire de la mairie. Aidé par les artisans du village, il aménage un coquet papillon. Il passe d'abord ses vacances avant d'y installer définitivement en 1972, etc. Voilà. Alors, ils obtiennent leur titre de séjour en France, délivré par la préfecture de Haute-Saône, avec un avis très favorable. Ils obtiennent leur titre de séjour en France, délivré par la préfecture de Haute-Saône, avec un avis très favorable. Jean-Luc Mélenchon. Au lendemain d'une émission qui devait durer 2 heures et qui en a duré 4, on a du mal à disperser les brumes du matin suivant. Quand une séquence qui devait durer 20 minutes avec Zemmour, au lieu de 10, par faveur de l'antenne, et qui dure pour finir 1h10, on a du mal à ne pas avoir le sentiment de s'être fait manœuvrer. Au terme d'un échange avec un policier qui n'exprime pas un mot de compassion devant une jeune femme dont le père est mort étouffé dans les mains de 4 policiers, on a du mal à apaiser la douleur que l'on a ressentie aux côtés d'elle. Admirable dans sa volonté de bien penser, sans haine. Et puis, fier d'avoir tracé son chemin 4 heures sans jamais faiblir, et en portant les valeurs auxquelles on a voué sa vie, on regarde cette séquence comme un signal d'alarme de plus sur la société dans laquelle on vit. Faire d'un grossier raciste un sujet politique à qui on sert 1 heure de télé en cadeau. Voir un ministre de l'Intérieur flatté d'un corporatisme d'omerta, tout cela est beaucoup. Entendre de bons esprits regretter que le spectacle auquel ils pensaient avoir droit ait été de moins bon goût parce que le ton est monté, désole sur l'incurable conformisme des nantis de la vie. L'incurable conformisme des nantis de la vie. Reste le réconfort et l'enthousiasme de la masse de ceux qui écrivent pour dire merci parce qu'on a porté leur parole, les humbles, les petits, les sans grade, et de cette nouvelle classe moyenne qui ne supporte plus que l'on fasse de sa religion un motif d'exclusion si violente et grossière. Un soir de janvier, un matin qui se lève, dans un retour d'heure glauque de l'histoire de notre pays, il faut aller de l'avant, drapeau et musique en tête, et croire dans notre idéal d'une France pour tous. Notre idéal d'une France pour tous. Et ne plus jamais accepter aucune émission sans garantie sérieuse d'équilibre, quitte à annuler une heure avant ou à quitter un plateau en cours de route. À bon entendeur, salut. Réaction. Pour rappel, le policier qui a débattu hier avec Jean-Luc Mélenchon n'est pas un inconnu. 2010, il a été mis en examen après un tir sous ses ordres de flashball dans un lycéen, sur un lycéen de 16 ans. 2019, il a blessé un lycéen avec une paire de ciseaux après l'avoir pris violemment par le cou. Alors, Thierry Morvan écrit lui, « Ce policier, Yannick Landurin, écumait déjà les plateaux en 2015 pour raconter ses souvenirs lors des émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005, estimant qu'il aurait fait pareil que ses collègues, laissant mourir Zied et Bouna dans un transformateur EDF et prenait la parole alors d'un rassemblement, policier en 2018 en soutien à Damien Soubounjian, flic inculpé pour avoir abattu dans le dos Amine Bentounsi et finalement reconnu coupable après bien des années de procédure. » Voilà, eh oui, c'est comme ça que ça marche, la presse, dans ce pays démocratique qu'est la France. Capitalisme. Quand un pauvre vole un riche, ça s'appelle un délit. Quand les riches volent les pauvres, ça s'appelle un système économique. Nordal-Lelandais. Le procès de Nordal-Lelandais, 38 ans, accusé d'avoir tué la petite Maëlys, 8 ans, en 2017, s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de Grenoble. C'est un journal déjà un peu ancien. Que peuvent apporter les 3 semaines d'audience prévues? Alors, comment est-il et pourquoi est-il devenu un assassin? Voilà une question que l'on pourrait poser aux avocats, aux juges, aux enseignants, aux éducateurs en général, aux journalistes, tout ce qui fait que un individu normal à 7, 8 ans, 10 ans, 14 ans, devient anormal progressivement. Qu'est-ce qui fait que pourquoi la société fabrique-t-elle des imbéciles, des crétins, des assassins? Des assassins. Ouais. C'est la société qui fabrique les délinquants. Quand la ville se sépare de biens trop chers à entretenir, ça c'est un remiremont. Ouais. Ben oui, la ville se dépeuple, s'appauvrit, parce que ben oui, il a fallu rembourser tous les emprunts. Et puis de Sa Majesté. Et puis il y a de moins en moins d'emplois, de moins en moins d'employés, de moins en moins de salaires, de moins en moins de salariés. Donc les commerces ferment les uns derrière les autres. Les logements sont quittés, sont abandonnés. Eh oui, on a supprimé plus de la moitié des logements du Rumont, par exemple. Et puis en ville, vous les voyez, les volets fermés un peu partout. Hein? Eh oui, c'est une ville qui vieillit. Eh oui. Et puis la maternité, elle n'arrive pas à combler les vides. Hein? Tous les mois, il y a 2 ou 3 naissances d'enfants dont les parents habitent et travaillent à Remiremont ou dans les environs immédiats. Hein? Les autres qui viennent naître à Remiremont, ils viennent de villages éloignés. Hein? Les réfugiés, une chance pour les entreprises vosgiennes. C'est un article en 2 pages. Hein? Tiens, tout d'un coup, on changerait d'avis à Vosges Matin à propos des réfugiés. C'est bizarre, ça. Bizarre. Enfin. Et les chômeurs. La diplomatie, ça doit agir utilement. Et si on les aidait, les réfugiés, à rester dans leur pays, ils ne viennent pas par plaisir. Vous avez envie d'émigrer, vous? Et puis, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de chômeurs en France, hein. Eh oui. Alors donc, en aidant ces gens-là à rester chez eux en sécurité, en agissant diplomatiquement, on aiderait aussi les chômeurs français à trouver du boulot plus facilement. Meurthe-et-Moselle, l'ancien camp d'Écrouves, le petit Drancy-Lorrain. Ce jeudi était dédié à la mémoire des victimes de l'Holocauste, tragédie mondialement connue. À Écrouves, à côté de Toul, une caserne fut réquisitionnée par les nazis dans leur entreprise génocidaire. Eh oui, nos policiers, nos politiques ont beaucoup ciré les pompes aux nazis pendant les années 40. François Ruffin, ouvrier non qualifié du bâtiment. Alors, non qualifié, moi je le mets entre guillemets, hein, du bâtiment, 814 euros par mois. Parce que pourquoi donnerait-on 814 euros par mois à quelqu'un qui ne serait pas qualifié? Hein? Eh tiens, on n'emploie pas quelqu'un qui n'est pas qualifié, voyons. Si on ne peut pas exploiter les gens, à quoi bon les employer? Dans l'industrie agroalimentaire, 878 euros par mois. Dans la manutention, 767 euros par mois. Vendeur en produits alimentaires, 859 euros par mois. Agent d'entretien, 764 euros par mois. Tous les métiers dits essentiels, entre guillemets essentiels, de la deuxième ligne sont sous le salaire minimum. Pendant ce temps, le patrimoine des milliardaires français a augmenté de 86% en 2020. 86% en 2020. Les caristes, les agents d'entretien, les caissières qui ont tenu le pays pendant la crise Covid auraient bien aimé, eux, voir leur fiche de salaire augmenter de 86%. L'Assemblée leur a refusé d'augmenter le SMIC. Le programme de l'avenir en commun s'engage à renationaliser la SNCF et refuser la mise en concurrence des lignes de transport. Refuser la suppression des lignes ferroviaires du quotidien et en réouvrir, augmenter le nombre de trains et garantir des tarifs accessibles, maintenir des guichets physiques dans les gares, développer les transports publics à la demande hors des zones denses de transports publics. Supprimer les lignes aériennes quand l'alternative en train est inférieure à 4 heures. Adopter un plan de développement du ferroutage et de report modal, cabotage maritime, fluvial et dirigeable. Repenser la mobilité individuelle en développant les usages partagés de la voiture et les mobilités douces. Nous, cheminotes et cheminots, appelons à voter Jean-Luc Mélenchon, candidat de la rupture avec cette politique de destruction des services publics en avril 2022. Espérons que la majorité des Français comprendra ça. Agira. Au lieu de subir, il faut agir. Une avocate lorraine au combat contre le pass. Inscrite au barreau d'Épinal, maître Nancy Rizachet, est la vice-présidente du mouvement Astrée. Constitué d'avocats et de juristes, il est monté en première ligne contre les mesures considérées comme liberticides en France, mais surtout au Luxembourg, et défend les salariés. Un fret maritime plus vert et plus cher. Je regrette que les champs éoliens français aient pris énormément de retard pour des raisons de politique intérieure, de principes, de précaution. Le transport maritime représente en volume l'émission de CO2, le moyen de transport le plus polluant. On ne peut pas transporter 90% des marchandises sans polluer. Cantine. La cantine va passer à 1 euro pour les familles les plus modestes. Alors modeste, moi je l'aurais mis entre guillemets. Hein? Parce que la modestie, c'est la pauvreté. Très utile. Sans les pauvres, il n'y aurait pas de riches. Les plus grands révolutionnaires, Louis XVI en France, Nicolas II en Russie. N'est-ce pas, monsieur Macron, monsieur Zemmour, madame Le Pen, etc., etc. Eh oui, vous êtes des révolutionnaires. Eh oui, vous le savez, vous ne le saviez pas. Eh oui, et c'est dangereux ce métier-là. Oh là là là. Que fait-on au Mali? Au profit de qui? La France est le pays des droits de l'homme, point d'interrogation. Mali-France, la guerre des nerfs s'intensifie. La guerre des nerfs. Partygate, des erreurs de leadership. Johnson s'excuse. Alors, Partygate, leadership. In französisch, bitte schön. Faut-il reculer l'âge de la retraite? Faut-il 2 pages pour prêcher des âneries? Cher l'abonnement, les droites sont à gauche, mais elles sont à droite. 1,20€ le numéro. Y a-t-il des journaux de gauche, de droite? Et le chômage? Et le chômage? Hein? Ah oui, oh, le journal. C'est comme la télé. Hein? S'il n'y avait pas la pub et les informations, quand est-ce qu'on irait aux toilettes? Quand est-ce qu'on descendrait la poubelle? Hein? Allons. oui, pense à tous ces gens-là. Ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, les journalistes. Comme les politiciens, comme les commerçants, machin chose, etc. Ben oui, les bienfaiteurs de l'humanité qu'il va falloir récompenser un jour, dignement. C'est-à-dire à la hauteur de leurs méfaits. Du béton pour le bon Dieu, église et modernité salies, à Lorraine. Ah oui, on refait des églises, hein, aux frais de qui? Du contribuable? Ah non, la loi de 1905 l'interdit. Tu as voté la primaire populaire? Tu en voulais au vilain Mélenchon? Mélenchon ne peut de ne pas vouloir y participer. Tu n'as toujours pas compris que la PP est une machine à fabriquer une candidature leur, uniquement destinée à mettre des bâtons dans les roues de l'Union populaire. Des journalistes qui font leur boulot avaient pourtant pris le soin de retracer le parcours et les engagements à droite de Taubira. Parmi eux, le média alternatif de gauche, Frustration Magazine, il n'est jamais trop tard pour s'informer vraiment. Voilà pour Taubira. Ouais, Taubira. Ah là là. Aïe aïe. Les soi-disant socialistes, qui ne sont plus de gauche depuis très très longtemps. L'ont-ils été? Si oui, pas bien longtemps. Le pôle Nord magnétique se déplace plus rapidement que prévu. Selon de récentes études, le déplacement du pôle Nord magnétique pourrait rendre obsolète le modèle magnétique mondial à l'origine de certains outils de navigation modernes. Ah. Very dangerous. Orléans. Oui, certes, le département des Vosges n'existait pas à l'époque. Jeanne d'Arc non plus. Elle s'appelait Jeanne d'Orléans. Bon. Mais tout de même, née à Dorémy, soi-disant, Jeanne d'Arc est, sans le moindre doute, l'une des figures historiques les plus importantes de l'histoire du territoire vosgien. Fait inédit, cette année, la pucelle, entre guillemets, sera incarnée, entre guillemets, par une descendante de son frère lors des fêtes organisées à Orléans. Clotilde Forgeau d'Arc est une lycéenne de 15 ans. Elle a été désignée pour incarner la pucelle d'Orléans lors des fêtes joanniques prévues dans la ville du 29 avril au 8 mai prochain. Les fêtes joanniques existent à Orléans depuis des siècles, mais ce n'est que depuis 1945 que Jeanne est incarnée par une jeune fille de la ville. Chaque année, elles sont une dizaine à postuler auprès de l'association Orléans Jeanne d'Arc pour incarner la sainte. C'est bien pour ses qualités personnelles que nous vous avons désigné Clotilde. Voilà. Alors, d'Orléans, ben oui, Jeanne s'appelait Jeanne d'Orléans. C'était la fille de la reine de France et du duc d'Orléans, frère du roi. Ben oui, elle n'est pas née chez Jacques d'Arc. Eh non, elle est arrivée une nuit, amenée par un cavalier, etc. Voilà. Eh oui. On se fout de nous. On se fout de nous à propos de tout. Tiens, Vosges Matin, lundi 22/11/2021. 32 pages. Dont 20 pages de sport. Le lecteur, les lecteurs vosgiens, moyens et sportifs. Très. Alors, est-ce qu'il était très sportif, très moyen? Je sais pas. Hein? La chronique de Marina Carrère d'Ancos, de l'importance des liens sociaux. Alors, de l'analyse de diverses études, il ressort que l'absence de liens sociaux est associée à une hausse de pression artérielle et du taux de cholestérol, à un plus grand risque de maladie cardiovasculaire, à une activation des mécanismes de stress psychique et psychologique, et à une altération du système immunitaire. Enfin, l'isolement est un des facteurs qui participe à faire survenir la maladie d'Alzheimer directement et par la dépression qu'il peut induire. Alors, port du masque, Vosges Matin du samedi 29 janvier 2022. Port du masque, un deuxième enseignant vosgien convoqué. Pascal Corradini. Le 15 janvier dernier, lors d'une manifestation anti-passe dans les murs d'Épinal. Après le professeur d'allemand Andreas Pfeiffer, qui avait été convoqué au rectorat, un deuxième enseignant vosgien est convoqué ce mercredi 2 février à 11h à l'université de Nancy. Pascal Corradini, enseignant au sein de l'IUT d'Épinal, a débattu avec les étudiants sur la maltraitance engendrée selon lui par le port du masque. L'enseignant estime que le port du masque est dangereux en raison de l'augmentation du CO2 et des problèmes physiques, psychiques et émotionnels qui en découlent. L'association L'Union fait la force 88 sera présente mercredi à Nancy afin de soutenir l'enseignant. Bonne nuit.